soir, 20h-23h, Goom Radio. Mickaël. On Just Hits. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, même plutôt aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Le jour des morts. J'ai peur. J'ai déjà peur. Tu vas pouvoir avoir peur. Hein. Ah, elle est où la musique, le Corse, là? On a commencé depuis 2 secondes et il n'y a pas de musique. Comment ça, il n'y a pas de musique? Il n'y a pas de bed. Et la musique... Non, on t'entend mal, le micro. Oh putain, oh, même le 1er novembre, le micro ne marche pas. En fait, on a le mort de du ouais. Corse. Attends, je peux en faire une cadavre. Non. Oh là là là là. Je suis déçu. Je m'attendais à démarrer directement avec la musique de l'exorciste et non. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. Vous avez quand même fermé tous les volets dans le studio. Je suis à 2 heures de me faire tomber dans ma culotte. Il fait noir dehors, donc on est pas. Ouais, mais c'est encore pire d'avoir fermé tous les stores. Ah, comme ça, tu sais pas si quelqu'un est en train d'escalader avec un couteau pour essayer de te tuer. D'un coup, on va entendre. Et là, ça va être Pierre. C'est vrai, Pierre. Désolé, c'est lui qui est en train de mettre la musique de l'exorciste là, donc. Peut-être qu'il ne reviendra jamais. Bah, qui sait. On sait pas d'ailleurs. Hein. Surtout que ça fait un peu flipper les studios le soir. Non, radio, il y a personne à part nous. Surtout quand c'est férié, je pense. Ouais. À la base, j'étais hyper contente de faire cette émission spéciale horreur et tout, mais quand je vais rentrer chez moi, je vais moins faire la maline. Pourquoi? Parce qu'après, je me tape des crises d'angoisse. Non, j'habite plus toute seule, parce que maintenant, en même temps, la semaine dernière, on a donné ton adresse quasiment. Donc, si vous voulez rendre visite à Émilie ce soir. Ouais, ou venir m'égorger. Par exemple. Mais seulement avec un kebab. Ah oui. Voilà. Faites-moi bouffer d'abord, uniquement. Après, vous pouvez me buter. Voilà, tu sais c'est que moi, ça. Je flippe grave, c'est dans mes escaliers, quoi. Mais je descends et je monte mes escaliers. J'habite au 5e étage. Donc, j'ai toujours peur qu'il y ait un voisin qui ouvre la porte et qui m'enlève. Je vais vous dire ça sera ma première histoire. Je vais la noter, sinon je vais l'oublier. Attends, mais tu sais que je me suis fait moi, j'en ai une, c'est une histoire vraie, hein, par contre. Et putain, celle-là, j'ai pas chié dans mon froc, mais je me suis. Ça t'est arrivé à toi? Ça m'est arrivé à moi. Ça m'a surpris. L'adrénaline. Ah ouais, la quoi? L'adrénaline. La précatine. C'est ça, moi, le soir, je me suis fait peur toute seule dans mes escaliers. Ben, justement, après l'émission qu'on avait fait, on avait raconté 2-3 trucs de peur et tout. Je me suis acheté des choses que j'ai dans rien encore là, avec des petites chaînettes en mode rock'n'roll là, derrière. Ouais. Et en fait, quand je montais les escaliers, j'entendais derrière moi, cling, cling, cling. Je m'arrête et je fais, mais non, mais qu'est-ce que c'est? Je remonte, cling, cling. Et je me suis mise à courir comme une mongole. Et ça fait cling, cling encore plus. Et alors donc, du coup, forcément, elle était paniquée, ouais. Je me suis fait peur avec mes propres pieds. Bon, en tout cas, ce qui est bien, depuis la semaine dernière, vous avez envoyé quelques histoires, quelques légendes urbaines dont on parlera tout à l'heure par mail, notamment sur mickaël@goomradio.com. Et avant de parler de tout ça, saluons tout le monde déjà. Comment ça va? Ça va bien. Passez une bonne journée de rien, parce que tout est fermé le 1er novembre, c'est dur. De Halloween, ce que moi, je déplore, c'est que. Vous êtes au cimetière ou pas? Non. Mais par contre, je trouve qu'Emilie aurait pu enlever son masque, en fait, parce qu'elle s'en restait hier. Donc là, c'est bon, ça y est. Faut que ça va, c'est terminé maintenant Halloween. Hein. Oui, ça y est. Bon, donc est-ce que quelqu'un a été fêter les morts au cimetière? Ah non. Mika, oui, parce qu'il y a une odeur bizarre là. Moi, j'ai fêté le mort qui est enterré chez moi. T'imagines, dans mon placard. Dans ton placard. Ça doit sentir chez le voisin, par contre, à mon avis. Hein. Ça doit être bien dur aussi, ça. Et le Corse, qu'est-ce qu'il a fait le 1er novembre? Je suis allé au cimetière. Hein, porter genre, t'as été jusqu'en Corse? T'as un parent qui est enterré à Paris? Oui, j'ai un parent qui est enterré à Paris. Comment ça se fait? Mes arrière-grands-parents. Oh. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent à Paris? En fait, c'est un peu parisien à la base. Ouais, c'est ça, ouais. Non. D'où la semaine dernière quand il a dit oui, deux équipes de football préférées, c'est Bastia et le PSG. Et tu sais qu'il va faire une rechute une fois avec son accent parisien, en fait, c'est un vrai parisien. Mais... Mais ouais, ça, dis donc, tu crois que... En fait, je suis pas corse, mais tu entends pas l'accent que j'ai ou quoi? Non, là, t'as l'accent différent, mec. T'as l'accent bizarre pour les deux coups, là, en même temps. Ça fait très bizarre. Donc, t'as des parents qui sont enterrés à Paris? Les grands-parents, mes arrière-grands-parents, en fait. Les parents de ma grand-mère maternelle. Ah ouais, donc ça fait loin quand même. Hein. Voilà, ouais. Mais bon, d'accord. Je suis allé... comme c'est une coutume d'aller au cimetière le 1er novembre. J'avais ça quand j'étais petit, mais c'était relou, putain. Moi ça me faisait rire parce que je regardais sur les tombes, tu sais, les dates et je me dis putain, celui-là il est né en 1800 et des brouettes. Ouais, putain, moi je faisais ça mais je me faisais peur. J'imaginais comment les gens ils étaient morts et tout. Je regardais tu calculais leur âge, tu voyais qu'ils étaient jeunes et tout et je me faisais des stories dans ma tête. Ouais, le plus dur c'est pas de s'imaginer comment ils sont morts, c'est d'imaginer ce qui reste là aujourd'hui quand tu passes à côté. Mais d'ailleurs, faudra que je vous raconte, je sais pas si je l'émission en direct du cimetière. Ah ouais. Mais moi, c'est facile, hein. Ce que j'aime, c'est le 1er novembre, d'ailleurs, après l'émission, j'y vais, je vais au cimetière la nuit. Oh. Voilà. Feux follets. Est-ce que je vous le raconte après ou pas, mon histoire des feux follets? Ouais, après, garde tout ça. Ça fait super. Voilà, garde tout ça parce que ce soir, on aura pas mal de choses. On aura l'interview, je sais pas si vous connaissez c'est un groupe belge, Absinthe Minded. Yeah. Ça vous parle? Ouais. Oui. C'est sûr? Ouais, non. Mais bien sûr. Non, non, mais parce que c'est un groupe qui est pas forcément connu, c'est pour ça que je... Ouais, ça me parle, parce que j'ai fait des recherches, parce que quand on reçoit des bien groupes, sûr, je me... bien sûr, bien mais c'est sûr. C'est normal, il y en a un qui joue très très bien du violon, et comme j'adore le violon, je me suis également intéressé à ce très groupe. Très bien. Donc voilà, Absinthe Minded, qui seront avec nous tout à l'heure, c'est un groupe belge, si vous connaissez pas, bah allez voir sur Internet, sur Google par exemple, vous tapez, alors c'est un peu difficile à écrire, mais Absinthe Minded. Absinthe comme Absinthe, avec un Y, et puis TH à la fin, et puis Minded, M-I-N-D-E-D. Bah, exactement. Voilà. Franchement, pour des Belges, c'est pas mal. Bah, et ta mère, Overphonic, c'était belge aussi, hein. Johnny Hallyday, c'est belge. Ah oui, c'est, ouais, mais enfin bon, Jean-Philippe Smet. Jean-Philippe Smet, exactement. Plastic ouais, Bertrand aussi, non? Plastic Bertrand, c'est belge, effectivement. Ouais, Lio, c'est bon, belge. Mais content quand même. Plastic Bertrand, c'est belge. Mais non, mais Lio. Ah oui, non, mais c'est belge. Je dis pas que je suis fier. Ouais, mais enfin, le pire, c'est Lio. Belgo-portugais, comme moi. Alors là, c'est dur, hein. Et tu sais que Plastic Bertrand, il a été pécho, c'est pas lui qui a chanté. Ah non, ça a rien à voir, c'est pas lui, en fait. Si. Non, mais il paraît que c'est lui. C'est pas lui qui a chanté, voilà. Non, il paraît. Mais c'est vrai, ça fait 40 ans que l'histoire elle dure, tout le monde le sait, mais bon. Mais comme avec Amanda Lear, c'est un homme ou pas, on sait pas. Ah ouais, mais c'est ce qu'on peut appeler une légende urbaine. Exactement. Ah bah t'en sais rien, voilà. Ça fait flipper. Ouais, elle fait grave flipper, bah ça c'est sûr, tiens. Bon, Pierre qui est venu également, qui était sucer le sang de la mort, là, c'est pour ça qu'il est un peu retard. Ouais, j'ai du sang dans la bouche. T'en as partout, là. Ah, dégueulasse. C'est pas du sang, mec. C'est blanc, c'est pas du sang. C'est le sang de qui? C'est du sang de bite, d'après ce que j'ai dit. Quelle horreur. Bon, et pensons également à Emily ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Ah bah parce que My Chemical Romance va commencer à jouer là d'ici 20 minutes, une demi-heure. J'essaye d'occulter ça de ma tête depuis. Et on va les avoir au téléphone dans quelques minutes. Ah, c'est génial. C'est beau ou pas? Ça, je t'avais quand même proposé que moi je sois en direct de là-bas avec c'est eux vrai, et tu m'as dit non, je pense que c'est plus pratique que tu restes avec nous pour les histoires de peur. C'est vrai. Bah oui, non, mais bien sûr. Et puis après, c'est surtout parce que toi t'allais y aller et pas moi, donc concrètement c'est soit on y allait tous, soit on y allait pas. Mais par la suite on va le faire ça avec Emilie, c'est notre concept d'interviewer. Attends, laisse-moi réfléchir. Mais oui. Ah bah non. Fredo il avait dit qu'il était ok. Ah ouais. Oui. Ah bah ça, je voudrais bien savoir. Je voudrais bien l'entendre de sa bouche, tiens. Mais Fredo n'était pas là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il n'y avait que sa perruque sur son bureau. C'est ça. Et que son scooter qui roulait tout seul sans lui dessus. C'est ça. J'ai trop peur. Le fantôme de Fredo. Exactement. Et pour ça il faudrait qu'il soit mort. Ouais. Mais ça veut dire que s'il y a un fantôme, il peut. Parce qu'en général, les fantômes Fredo sont encore plus chiants que les humains. Ah oui, et genre, Dieu c'est sait sûr. Qu'il est déjà relou. Oh ouais. Putain. Mais c'est j'aimerais pas voir son fantôme alors. Ah bah, buter, hein, si c'est le fantôme. Non, Fredo. Ah. Il viendrait hanter nos nuits fort. Ah bah, très fort. Il hante déjà nos nuits. C'est vrai. Donc au final, je me demande ce que ça pourrait être. Tiens, juste. Je crois que si tu meurs, franchement, si on meurt là, ça me ferait chier de rester dans les deux mondes, tu vois, entre deux. Moi, j'irais espionner Robert Pattinson. Ouais, mais non, mais pas longtemps. J'aurais peur des raies pendant des semaines, tu vois. J'aimerais vraiment d'un coup partir au 7e ciel. Mais non, mais arrêtez, il n'y a rien après. Hein. Non, mais tu crois que les fantômes, ils ont une vie sexuelle? Ils s'envoient tous en l'air ou pas? Bah, ils te regardent, ils pas luché, donc quoi. Là, il y a un mec à côté de toi, tu le vois pas? Où ça? C'est Patrick Swayze, mec. Tu sais, dit que c'est quand il y a des morts, c'est que quand des fois tu sais, t'as un petit frisson ou t'as un coup de froid d'un coup derrière toi. C'est un mort qui passe derrière toi. Sinon, c'est Mika qui a pété, ça dépend. Mais il n'y a rien après, c'est fini. Une fois qu'on est mort, on est mort. Non, mais moi je suis pas croyante. Moi aussi je suis croyant ça. C'est quand t'as ton ordinateur, il est pété. Ben il est pété. Il va pas se transformer en chauve-souris. Mais pas des machines, Michael. Mais non, mais c'est la même chose. Non, mais ça s'allume, ça marche. Et puis quand ça s'arrête, ça s'éteint. Je suis sûr que ton âme erre pendant un temps. Mais ton âme, rien du tout. Je sais pas où il erre, mais et pourquoi? Mais parce que t'as... Mais non, je vous en supplie, pardon. Si j'ai une faveur, si on pouvait ne pas parler de ça, c'est-à-dire du néant, de ce qu'on est après la mort, où on va... Mais on n'est rien. Parce que je vais me taper une crise d'angoisse. Oh, ça y est, alors, on peut parler de rien, parce qu'à chaque fois, on a une crise d'angoisse. Mais pas ça, c'est sauf horrible. Sauf si on parle de bouffe, là, ça va. Et encore, ça lui fout des crises d'angoisse. Concilier les deux, parce que j'ai un pote qui m'a envoyé un message la semaine dernière avec... je lui ai mis « je bouffe ça, je sais plus quoi ». Il m'a envoyé « moi, je mange ça, rendez-vous au paradis des obèses ». Et ça m'a fait trop rire. Je me suis imaginé où un truc, où on mangeait, on grossissait. T'imagines en soirée avec Laurence Boccolini, Magali Paris et tout, c'est beau. On parle dans quelques instants donc de justement tout ça, les légendes urbaines, Halloween aujourd'hui. Enfin, Halloween, c'était hier en l'occurrence, mais de comment on appelle ça, de la Toussaint, voilà, c'est Halloween. Ça, le 1er novembre. On aura les My Chemical Romance par téléphone, normalement, juste avant leur concert, d'ici quelques minutes. On mettra aussi du son ce soir, il y aura Soprano, on mettra Peter Lutz, il y aura le nouveau Shy Martin Solveig aussi avec Hello, on aura Julian Peretta, on mettra peut-être aussi les Black Eyed Peas, puisque on vous l'avait fait découvrir il y a un peu plus d'une semaine maintenant, et puis ben on l'aime bien, donc on va le remettre. Mike Posner également qui va débarquer, et puis My Chemical Romance, on mettra ça dans quelques instants, et on va démarrer les festivités maintenant. Allez, oui, avec Rihanna et Only Girl in the World maintenant sur Goom Radio. Joyeux 1er novembre. Arrête. Le son de Rihanna à l'instant, c'était Only Girl à l'instant sur Goom Radio. Comme tous les soirs entre 20h et 23h, on est là, soirée spéciale Halloween le 1er novembre. On aura des petites histoires à vous raconter dans quelques instants avec les légendes urbaines. Si vous en avez aussi des légendes urbaines à nous raconter, eh bien, n'hésitez pas. Vous faites balancer tout ça, bien sûr, sur le mail, par exemple, mikael@goomradio.com. Et je vous avais dit qu'on aurait les membres de My Chemical Romance au téléphone. Et effectivement, on a, je vais le dire à la française, Gérard et Mickey. C'est le Corse qui parle ou quoi? Hey, how's it going? Gérard and Mikey, how are you? How are you? Great. Bon. Awesome. Très bien, donc ils vont bien, ils sont bien là. Donc juste avant le concert là qui va se passer ce soir. Alors déjà, je tenais juste à préciser que j'étais quand même le premier à l'époque, il y a 2 ou 3 ans, en France, à avoir passé My Chemical Romance, alors que personne n'y croyait à l'époque. Il faut que ça se sache. The DJ just want to say to you before the interview that we were the first to broadcast your songs in France. That was 3 years ago. Oh, that's wow. Awesome. Thank you so Oh, you're much. Welcome, you're welcome. Bon, comment ça va les gars? Alors, vous êtes en forme? How are you guys? We're good. I think I'm a little under the weather, but Mikey's holding up pretty good. Just we're doing pretty great, yeah. Donc, Gérard, ça va, et Mikey un peu crevé, mais ça va. Non, d'accord. Dans l'absolu, ils sont bien. Donc, vous êtes en concert donc ce soir, donc c'est à La Cigale. C'est la première fois que vous jouez en France. Comment ça se passe? Tonight, you're gonna play in France à La Cigale. Is it your first time in France? No, I think, Mikey, this is like maybe our 6th or 7th. We've been here a couple times. I missed the last trip over, though. Mm-hmm. Ça fait 5 ou 6... Yeah, we've been here a couple times. Et ça fait 5 ou 6 fois qu'ils sont déjà venus et qu'ils ont déjà joué en France, donc non, c'est pas la première fois. D'accord. How do you feel about the show tonight? You're okay? Everything is ready? Yes, we're all ready to go. Very excited. I think the last time we got to play here was the Zenith, and it was an amazing show. So we're just excited to meet people again and meet new fans and meet old fans again. Donc ils sont prêts pour ce soir, ils sont un peu stressés mais ça va parce que la dernière fois ils ont joué au Zénith, donc ils avaient l'habitude, grande salle et tout, c'était le feu, donc ils étaient plutôt contents du public français, ils ont hâte vraiment de jouer ce soir. J'étais déçu la dernière fois, j'étais pas au courant, c'était quand ils sont venus au Zénith. When were you at the Zénith? I'm trying to remember, Mikey, was when did we, what? I can't remember, I can't remember either, like 2007? Yeah, ah, 3 years ago. 2007, ok, en 2007. Ouais, en 2007, alors c'est pour ça alors. Bon, est-ce que vous avez déjà, du coup, bon, c'est pas la première fois que vous passez en France, mais vous avez déjà visité Paris, il y a des monuments qu'ils ont préférés par rapport à d'autres? You went in France a couple of times, you said that just before. Did you visit a lot of things in France and do you love Paris? Well, we love it here, but the problem is we actually don't ever get to spend that much time here, so we were really excited because the other day we got a day off to go and see all the things that, you know, and go see some things like the Mobius exhibit and things like that, and that was really awesome. Great. We've only made it halfway up the Eiffel Tower, me and Mikey. Yeah, that was fun, I remember. It was, we just didn't have time to get up to the second half, but yeah, I can't wait to go check that out. Great. Alors ils sont en France souvent mais pas beaucoup de temps. Du coup à chaque fois ils galèrent un peu à visiter et avoir des trucs typiques de la France, mais là pour le coup ils ont eu un jour off, donc ils ont pu faire la Tour Eiffel et des trucs un peu touristiques, donc ils ont trouvé ça vachement cool et ils adorent Paris. Évidemment, mais bon, c'est touriste quoi. Bon, et ils viennent d'où précisément eux? Where are you coming from exactly? We were just in London and we took the channel over. Ils viennent de Londres en fait, mais tu voulais savoir dans la vie? Ouais, où est-ce qu'ils habitent quoi? Where you are born and when do you leave? I think we leave, it is the 12th of November, we all get on a plane and head back to our respective homes in California and New Jersey. D'accord, il a pas compris ma question, mais du coup j'en déduis qu'il était en Californie, donc ils viennent de Californie. D'accord, ok. Et comme j'ai fait leur promo là, il y a moyen éventuellement d'avoir une chambre à prêter quand je passe en Californie? Oh. Our DJ always do that, he just want a room when he will come to see you in California. What's that? I'm so sorry. He just want to come to your house when he will be in California because he tried to sleep at every stars at every famous people home, you know. Oh yeah, come on by. I have a really good coffee machine. Oh cool. Une très bonne machine à café. J'ai galéré sur ce coup-là. Ouais, ça fait plaisir. Bon, est-ce qu'il y aura des surprises? Il y aura des invités dans le concert de soir ou pas? What is going to happen tonight during the show? Is there going to be some surprises or some guests? Oh, I think one of the things that's really great is the vibe is so great now. The energy is amazing. It's a very real thing. It's they're really just getting to see us now and our personalities and no costumes or anything like that. It's just really the band being itself and interacting with the fans. Il a dit que that list is super diverse too. It's a good mix of the old and the new, I think. Ah ok. Et il a dit que c'était une nouvelle, un nouveau visuel et une nouvelle façon de faire pour cet album, parce qu'il y a beaucoup de visuels. Je sais pas si vous avez vu le clip. Ouais. Il y a beaucoup de costumes et tout, beaucoup de mise en scène. Du coup, ce soir, il dit que ça va être fou au niveau du visuel. Voilà, au niveau des surprises de costumes qui vont vraiment jouer le jeu et qu'ils ont hâte de montrer tout ça au public. D'accord. Alors il y a Emily aussi qui aurait voulu être en concert, mais il y est pas malheureusement, hein, dommage. Donc il voulait savoir si elle pouvait venir dans vos loges après le concert. Éventuellement, on aura fini l'émission en même temps. Emily wants to come and see you in backstage after the show. Sure thing, come on by. Just because I'm a huge fan, so. Ouais, mais elle a pas dit pourquoi encore. Hein. Bon, et donc le nouveau single, on l'avait passé sur Goom Radio en premier il y a quelques semaines. Nanana, nanana. Alors, c'est quoi l'histoire de la chanson et pourquoi ce titre? Your first single of the record is Nanana. What is the story of this song exactly? Well, it's the song that really kind of kicked things off for us in terms of re-recording the album, because we had made an attempt at it and then we weren't very happy with it. So it kind of unlocked our creativity again and made us excited about doing it again. And, you know, it was written in the desert and brought to Los Angeles to Rob Cavallo's house. And that's when we saw him again after so many years. And it was like, you know, the bullet that fired out of, or the laser blast that fired out of the ray gun that propelled us through finishing the album. Okay. It's like a real like call to arms and like almost like a theme song of sorts. Ok, donc il dit qu'en fait ils ont enregistré pas mal de chansons. Je vous cache pas que j'ai pas tout compris, hein, parce qu'à un moment donné le téléphone et la rapidité du flux, ils ont enregistré pas mal de chansons, mais ils étaient vraiment hyper contents de celle-ci qui parle entre autres de profiter de la vie. J'en avais parlé aussi parce que j'avais eu Franck au téléphone qui comment parle. Ça ramène. Non mais c'est pour non, ça que Franck, tu sais de quoi parle la chanson. Non, Franck va sortir de leur groupe. Et pourquoi Nanana? And why Nanana as a title of the song? Well, it just felt like that's what it wanted to be called, being that opening chant. Like, you know, we always said it kind of felt like a theme song for the start of some really violent, hyper-colored Saturday morning cartoon. And, you know, it was the first word you hear, just na-na-na-na-na-na. Like, you know, we're so used to having really clever album titles or song titles that it felt good to have one that was just, like, super dumb. Ouais, en fait, il a des bonnes raisons, quoi. Alors, en fait, vu que la chanson a un thème assez fort et que, encore une fois, visuellement et tout, c'était assez fort, ils avaient envie d'un titre qui fasse vraiment le contraste avec tout ça. Et quand ils ont commencé le refrain, les premiers mots qui leur sont venus, normal, quand tu chantes, quoi, même sous ta douche. Vous avez nanana, voilà. Exactement. Okay. Donc, ils ont gardé ça et ils se sont dit, c'est pas con comme titre, ça peut le faire. Et du coup, c'était drôle, donc ils ont gardé ce titre-là. D'accord. Et alors, au niveau des titres un peu bizarres, le nouvel album, donc, c'est Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys, qui va bientôt sortir en France, d'ailleurs. Alors là aussi, pourquoi l'avoir appelé comme ça? Your new record is gonna release in France in November the 22, I think. Why again this title for the record? Well, we wanted, you know, Danger Days is really the true title of the album. It's what it takes to make an album for us every time. If you could put the phrase into words, you would say Danger Days. It's a very dangerous time, you know. And then the second half of it is to let you know that there's a deeper world on this record than just it being a simple album. Ok, alors il dit que Dangerous Day, c'est par rapport à l'époque dans laquelle on vit, parce qu'il trouve qu'il se passe des trucs fous à notre époque, donc on vit vraiment des jours dangereux. Et pour la deuxième partie, The True Lives of the Fabulous Killjoys, c'était pour tout le côté album, tous les titres qu'il y a dans leur album, ouais. Pour dire qu'il y a un autre monde qui se cache sous ce manche dangereux, et c'est leur monde à eux, justement, leur monde de créativité, etc. D'accord, et alors l'album, vous avez travaillé avec qui dessus? Juste vous en interne, ou alors vous avez fait appel à des gens? You were just your band on this record, or did you work with other people? I don't know, writers or. No. It's always just us. I mean, yeah, you know, Rob was the producer, Doug was the engineer, and it was, you know, we had Jamie Mahorek playing keyboards and John Michelli playing drums, but it was just us writing the material, and that's the way it always is. Ok, donc il a toujours la même équipe, c'est la même équipe de travail. Il y a des mecs qui viennent jouer au clavier pour le coup, parce qu'il y en a pas dans leur groupe. Et au niveau de la production et de toute la team, c'est eux. Et toute l'écriture et toute la musique, c'est juste le groupe, quoi. Gérard, Ray, Mikey et Franck. D'accord. Personne okay. D'autre. Bon, très bien. Et alors Gérard, donc toi t'es, enfin Gerard. Voilà, tu es apparemment un très bon dessinateur. T'as dessiné beaucoup de pochettes de disques et même des BD d'ailleurs. L'album aussi. Est-ce que t'as des projets en cours hormis la musique? Gerard, you're a very good drawer. Did you work on this album visually? Yes, yes. It took, I spent like years working on all the art, all the costumes. A friend of mine, Vasilis, helped me with the ray guns. It was fun. Okay, wait, Carlos. It was great to see everything come to life from just these tiny, you know, these drawings that I'd see every now and again, and to see them in real life now is just yeah, very and mind-blowing. Video. Yeah, that's crazy. Il a en fait oui tout dessiné des costumes au visuel de l'album vraiment à tout ce qu'il y a dans le clip et tout. Et il y travaille depuis plusieurs années, depuis 3 ans je crois qu'il a dit. Et donc oui, son frère dit c'était fou de voir tout ça naître en fait, de voir les costumes d'un coup être en vie sur eux et tout, alors qu'au départ il avait vu juste les esquisses de tout ça quoi. D'accord. Et la prochaine fois que vous venez en France, vous savez déjà quand ça va se passer ou pas? You already know next time you're gonna be in France. We don't actually. We know, Mikey. We're starting rehearsals in January, right? Yeah. We'll definitely be back sometime very soon in the new year. Yeah. Okay. So next time, I think that will be great for you to come to see us. We would love that. We'd love that. Yeah. In studio. Ah bah oui, on va faire jouer en full live tout le bordel. Hein. Yeah. Non, mais, et surtout, qu'est-ce qu'ils aiment comme bouffe, comme boisson, comme ça, on va chercher avant. Comme ça, on a une bonne excuse pour faire cracher la radio. What do you love to drink or to eat? And when you come, you're gonna have everything that you want. Coffee. Yeah. What do you like to eat, Mikey? We think here. We love pizza, yeah. Oh, pizza. But we love to. We eat pizza every night. Yeah, we love pizza, yeah. Coffee and pizza. Okay, café et pizza. Oh, ça va être un beau mélange. Hein. That's bon, gonna be awesome. Eh ben, quand ils viennent, pas de problème. Il y aura du café, des pizzas. On fera tout comme il faut. Next time there will be coffee, pizza, you and us, and that's gonna be good. Excellent. Eh ben voilà, ça fait plaisir. Bon ben bonne chance en tout cas pour le concert de ce soir. Et puis au plaisir. Hein, donc au mois de janvier, si vous passez par ici, vous serez les bienvenus ici à la radio. Thank you so much, guys, and good luck for your show tonight. And I come after the show. That'd be great. Thank you. Good luck. Bye bye. Voilà. Allez, à plus les Vegas. Ça va cool. Bon esprit. Gentil. Les Mike et Nicole. Il parle très vite, hein, par contre. Ouais, il parle très vite. Ouais. Moi, j'ai surtout compris qu'à la fin, on va se sortir en loge. Quoi. Et là, t'auras pas besoin de parler. Ouais. Exactement. C'est vrai, c'était la phrase principale, c'est effectivement oui, viens. Ouais. Quand Cécile a demandé si Émilie pouvait venir dans les loges après. Il était pressé, hein, mais je crois que je vais vous laisser là, je vais y aller. C'est dommage quand parce que. histoire qu'il ferme pas la porte quand même. Tu vas nous raconter une légende urbaine. Ouais, c'est ça. Tu sais faire. Voilà, mais je vais vous la raconter très vite et je vais. Non, mais c'est vrai que leur anglais est vraiment. Oh, qu'est-ce qu'ils parlent vite. Autant d'habitude, l'Erika c'est plus facile, mais là pour le coup, par téléphone et en plus, il va vite. On a beaucoup mieux compris. Je croyais que c'était des Roumains, moi. C'est pas des Roumains, mais non, c'était téléphone pour le coup qui était hyper mais même il parle super vite, hein. Robert Francis parle, bon il est beaucoup plus mou, mais non, mais c'est la reine après, tu sais même pas quoi. C'est le mec d'Emily, on peut en parler de temps en temps. Mais Robert Francis, il a du 2 à l'heure là. Oh cum, toi, parle pas Mike de mon cum. Parle pas Mike de mon cum. Ok Mike. C'est surtout que c'est ton fuck friends. Exactement. À la limite, non, mais on a dit que c'était Francis Robert. Autant quand il parle, il est lent, mais autant. C'est son caresse sur l'épaule friends, hein. Tu vois. Sinon toi t'as pêché qui au niveau ni Mati. Oh bah c'est pas un level en fait, hein. Robert Francis c'est pas un level. Hein quoi? Robert Francis c'est pas un level. Mais non, mais on s'en branle de se taper des stars, vaut mieux se taper des bonnes que des stars. On soit Kate DeLuna à la fin de la semaine, là, tu vas pouvoir. Le corps. Cellulite. Non, elle a pas de cellulite. Tu plaisantes? Je crois que t'en avais rien à foutre que je lui prenais au kilo. Ouais, mais enfin bon, je sais il pas. Il a tapé très fort avec moi il y a un moment, donc ouais, il est calme. Il peut pas non plus tout faire, effectivement, non. Ouais. Bon, allez, bougez pas, on va revenir dans un instant, on va pouvoir démarrer donc du coup cette soirée spéciale du 1er novembre avec les légendes urbaines là. Et puis, ce que je propose en attendant, c'est que on se mette le son de My Chemical Romance. Je suis tout émoustillé là. Pourquoi ça y est, t'es chaude comme la braise parce que tu vas te faire casser les pattes arrière après. Mais j'irai jamais, arrête, je voulais juste aller au concert parce que j'aime bien ce qu'ils font, mais du coup tu m'as. De toute façon, c'est trop tu m'as séquestré ici là. Oui, oui, bah oui. Il y avait Linkin Park qui est passé la semaine dernière, j'y ai pas été, hein. Bah ouais, mais. J'aurais bien voulu pourtant, hein. Bah je te dis, tous les concerts de rock on les laisse et on y va tous les deux. Parce que tu veux pas passer des soirées avec moi. Non, ça va pas, non, ça te donnera de mauvaises idées, laisse tomber. Allez, on revient dans un instant, le temps d'écouter maintenant le son de My Chemical Romance, le nouveau single de My Chemical. Maintenant c'est Nanana sur Goom Radio. Et le son de My Chemical Romance à l'instant, c'était Nanana. Encore un, ça m'a envie, on dirait que tu me fais nanana. Ouais, c'est ça, exactement. Bien fait pour ta gueule, parce qu'ils vont commencer maintenant, là. Hein, ça y est, c'est parti, hein. Ils vont commencer le concert de My Chemical Romance, et si vous écoutez, c'est que vous n'y êtes pas. C'est dommage. Donc, c'est bien. Pour votre gueule. Non, on peut nous avoir dans l'iPhone. Ouais, mais bon. Pendant le concert, juste avant qu'il commence. Personnellement, moi-même, si j'étais un auditeur lambda et que j'ai le choix entre l'émission ou My Chemical, je me dis que j'écoute, je regarde d'abord My Chemical et après je reviendrai sur l'émission, j'ai un peu de temps. Ouais, bah surtout que tu les trouves en podcast, l'émission. Non, mais en plus, et puis surtout My Chemical, ça passe une fois là maintenant en live. Mais non. Si vous êtes sur le concert, là, pour le coup, ça vaut pas la peine, effectivement, ouais. Bon, voilà, toujours ce spécial, spécial 1er novembre. Qu'est-ce que j'ai, le 11? Parce que c'est férié aussi, le 11 novembre. Ah, c'est ça aussi, d'accord. De quoi, le 11 novembre? Le 11 novembre, c'est l'armistice, non, c'est pas ça? C'est la fête des vivants, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, non, c'est l'armistice, ouais. Et puis, bon, 1er novembre aujourd'hui, donc c'est la Toussaint, la journée des morts. La Toussaint. La journée des gens qui n'existent plus. C'est ça. Putain. Et on espère qu'il nous écoute. Oh là là, reste une piste. Il est trop content de me foutre des angoisses, regarde. Oh, mais arrête, c'est toi qui as des angoisses pour rien, là. On peut parler de rien. Attends, je veux dire, on peut parler d'amour, Michael. Attends, je vais parler télé. Si, ça va. Ah, ça va. Ouais. Un programme sur les morts, donc Coca-Cola. Le mec ainsi, ça va. Coca, ouais, aussi. Oui, ça va. Très bien. Sexe aussi, je pense que ça va. Ah non, c'est ça, m'angoisse. C'est ça. Oh putain. Ah oui, là t'as tapé dessus. Non, mais là. Putain. Cigarette. Ah ouais, ça fait mal également, hein, dis donc. J'ai rien fait. Arrête. Bon, allez, les légendes urbaines, on va encore en parler. 01 55 64 13 24, et puis sur le groupe Facebook également, si vous voulez lâcher vos légendes urbaines de manière à pouvoir discuter entre vous, notamment, n'hésitez pas à venir aussi. facebook.com/mikl officiel. Voilà, et puis y a du monde dessus comme d'habitude, avec les messages qu'on lira tout à l'heure. Voilà. Donc ah oui, j'avais la petite histoire là dont je devais vous parler. Ça lancera comme ça le bordel. C'est un jour, en fait, non, je rentrais chez moi à Bruxelles, donc j'étais plus rentré depuis 4 jours, donc je rentrais chez moi pour le week-end, et puis donc j'habite dans un immeuble à 4 étages, et donc j'habite tout en haut, et donc du coup à un moment il fallait que je rentre, et donc chez nous il y a pas en Belgique de digicode ou bordel, donc si tu veux t'as un espèce de petit sas, donc t'as une porte, tu l'ouvres, puis après t'as les boîtes aux lettres, puis t'as les sonnettes, et après tu rentres à l'intérieur. Et donc je suis rentré dans le, mais tu sais, je faisais pas attention, tu vois, je regardais par terre sans faire gaffe, c'était la nuit, il était je sais pas, je devais rentrer de la radio, donc il était 2h, 2h30 du mat. Et au moment où j'ouvre la porte, je vois un mec qui était, mais tu sais, il faisait tout noir, hein, tu sais, t'as les lumières automatiques, ouais. En plus, dès que tu rentres, boum, ça s'allume. Et le mec, il était assis, avec plein de sang par terre, en fait. Mais non. Quand c'est véridique, hein. Et en fait, le mec, il s'était battu avec quelqu'un d'autre. Et donc, il pissait, le sang du nez, tout le bordel. Et tu sais, au début, tu t'y attends pas. Surprise, normal. Non, mais moi, c'est-à-dire que ça fait même pas, je fais, Moi, je crois que je crie, je pars en courant, hein, même si le mec, Moi, je le tabasse pour le terminer. Ce que je me demandais, c'est si le mec, il avait pas en profité pour essayer de rentrer, tu vois, bon. Et donc, j'arrive, et tu sais, je sais pas, déjà, j'étais surpris, puis je dis, ça va? Je fais beau dehors. Il me dit, non. il me dit, ouais. Je dis, non, mais t'es sûr, tu veux pas que j'appelle un médecin ou l'ambulant, enfin, je sais pas, quelque chose, quoi. T'es resté zen, toi. Il me dit, qu'est-ce que je fasse, Oui. Mais c'est le meilleur moyen. Si le mec, il veut vraiment t'agresser, s'il veut que t'es en panique, c'est le meilleur moyen pour qu'il soit sûr de lui. Alors que si t'es tranquille, il va peut-être se dire, Je me suis toujours dit ça, moi, que si quelqu'un voulait me violer, je ferais l'exciter. Au moins, le mec, ça va le. Ah ouais, ça va peut-être le calmer. Non, moi, je dirais que j'ai le sida. Vas-y, prends-moi. Il va faire un chaudasse, dégage, je me casse. Non, moi, je dirais, j'ai le sida. Et là, il va dire, moi aussi, j'en ai rien à foutre. Et là, t'es dans la merde. Et là, t'es plombé. Ouais. Et là, dans ces cas-là, je pense que tu dis ça, mais t'es juste paralysé. Et moi, j'ai fait du Krav Maga pour, si jamais on me viole, défoncer un mec. Ah ouais? C'est un entraînement de la police israélienne et je peux te démonter quelqu'un. Ah ouais? Mika va essayer tout à l'heure. Je te ferai 2-3 prises. Mais je te casse la gueule, moi. Mais je pense. Mais après, je sais pas si ça m'arrive, je serai capable de refaire mes. Oui, c'est ça, c'est sur le coup. Mais comme là, pareil, pour le coup, à un moment, je lui demande et je lui dis, t'es sûr, tu veux pas un truc à bouffer ou quoi? Tu sais, j'avais un truc sur moi. Non, mais le mec, il était ravagé, il était par terre, là. Il me dit, non, mais je me suis battu, ça va. Je dis, t'es sûr, il y a plein de sang partout, là. Mais c'était un jeune? C'était un jeune. Ça va. Et puis, quelques semaines après, même endroit, même couloir, même jour, que se passe-t-il? Encore une paire. Non, mais c'était en plein hiver, ça. Il faisait, tu sais, c'était au mois de février quand il faisait moins 15. Le même mec qui n'avait plus du tout des gratinures. Non, mais tu sais, c'était un clochard qui était là. Mec, je rentre, mais ça surprend, t'es encore, tu te dis, voilà. Du coup, à chaque fois, tu regardes, tu sais, tu fais attention pour voir s'il n'y a pas le même mec avec le sang partout, là. Et puis finalement, après, c'est un clochard qui était là, il était couché. Et putain, ça puait sa mère, là. C'est bizarre, quelle horreur. Non, mais c'est arrivé que 2 fois. Et ouais. Pourtant, c'est un quartier bien. La troisième fois, il a surpris un sien. Je m'aventurerai pas du côté de chez toi, je te dis. Mais non, mais comme à Bruxelles, t'as pas de, et en Belgique, t'as pas de digicode, bah, les clochards, ils en profitent pour rentrer dans un endroit où il fait un peu plus chaud que dehors, surtout quand il fait moins 15. Ouais. Donc, du coup, le mec, il en a profité, donc je lui ai demandé s'il voulait pas un truc à boire ou quoi. Tu vas trouver un type avec un couteau qui t'attend comme ça devant. Ouais, bah, peut-être. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux. De toute façon, je vais déménager, donc j'en fous, c'est pas grave. Donc, il me reste plus que 2 mois et après je bouge. Donc ça devrait aller, hein. C'est horrible. J'espère pour toi que ça ira mieux. Non, mais oui, ça ira. Moi, je me ferai assassiner, mais c'est pas grave. Un sas d'entrée, là, j'ai une première porte, les boîtes aux lettres et tout, et une deuxième porte. Et quand il y a des gens qui rentrent en même temps que moi, derrière moi, quand j'ai fait le code de la première porte, je fais semblant de chercher un truc à ma boîte aux lettres pendant 100 ans pour voir s'ils ont bien la clé de la deuxième porte. Et genre, je suis là, mais ça dure longtemps, j'ai trop peur, quoi. Parce je suis là, t'as sort tes clés ou je te démonte. Mais à Paris, faut faire gaffe, hein. Moi, je connaissais une pote, pareil, en fait, elle avait pas fait gaffe que des mecs la suivaient. Et en fait, elle rentre chez elle et tout machin, elle monte 3 étages à pied, et au moment d'ouvrir sa porte, main sur l'épaule, elle se retourne, il y avait 2 cams, s'il te plaît. Mais 2 mecs, genre de 1m90, donc qu'est-ce que tu veux faire? Krav Maga ou Crash Pata ou je sais pas quoi là. Hein? Ils lui ont fait quoi? Non, bah rien, en fait, elle s'est réfugiée quand même chez elle, elle a réussi à rentrer, mais les mecs, genre un peu stone quoi, défoncés. Ouais. Ils voulaient genre l'agresser, mais c'était pas des Kaira en mode agressif, machin, tu sais, c'était les mecs, je crois qu'ils voulaient de la thune ou ils voulaient la tirer quoi. Mais c'est chaud quoi. Ah mais oui, c'est horrible. J'ai peur moi. Mais moi quand tu me dis ça parce que je suis une femme seule et j'ai peur. Moi je me chiais dessus parce que dans mon ancien appartement, ma voisine du dessus, c'était une schizophrène. Ah oui. Donc c'était terrible. Mais le raté, c'était une schizophrène. Ouais, non, schizophrène et donc on m'avait raconté qu'il y a 5 ans, non, 10 ans peut-être, encore une schizophrène habitait dans le même appartement de ma voisine et avait mis le feu à l'immeuble. Donc tu dors pas tranquille, c'est-à-dire voilà, à tout moment elle peut péter un câble. Et donc c'était une femme qui m'insultait tout le temps, espèce de grosse pute, nanana, elle entendait tout ce que je racontais. Donc elle avait l'air sympa ta copine. Non mais c'est malade. Mais le pire c'est que d'une heure à l'autre, elle m'insultait et après elle me disait salut, ça va? Oh là là, t'es vraiment ma copine toi. Ah bah bon, oui. Donc je avait Gilles de la Tourette. Hein, non mais non mais c'est une malade. Et un jour je rentre. Et elle est derrière moi, donc je pars en courant et tout, mais parce que j'avais vraiment trop peur d'elle. Hein. Je pars en courant et tout, nanan. Je ferme ma porte, je commence à me mettre à l'aise et tout, et d'un coup j'entends. Je dis oui. Elle me dit vous êtes là? Je dis ben oui. Je dis non mais je peux pas vous ouvrir parce que j'avais reconnu sa voix. Je peux pas vous ouvrir, je suis dans mon bain. Elle me dit ne mens pas, je t'ai vu courir. De quoi? Je te jure. Mais quel horreur. Ne mens pas, je t'ai vu courir. Vous en foutez de mon histoire? Mais non, pas du tout. Mais je me dis que ça pourrait être beaucoup plus habillé avec la musique. Avec la musique, mais le corps, ça le fait pas réagir. Il plane. On vient avec Pierre de presque casser le clavier en deux. Et ça. Pour rappeler le corps, c'est le corps. Parce que mon histoire t'intéressait, le corps. Moi, j'ai une histoire de voisin aussi. Attendez, j'ai pas terminé. Attends, bah vas-y, mets la musique. On a pas la musique? Non, ça, c'est un téléphone portable. Donc. Voilà, tu vois tout de suite, on est plus en ambiance. Ah vas-y, putain, ça me fait flipper, ça me rappelle le truc que j'ai fait à la Foire du Trône. Parfait. Donc, oh non, mais je peux trop. Je vois ma voisine schizophrène derrière moi. Tu vois, même le ton est différent là, tu vois tout de suite, on est dans un délire. Voilà. C'est comme moi, un jour, j'étais parti Attends, donc, je prends mes jambes à mon cou et je me mets à courir. Comment t'as fait? Est-ce que t'étais souple, quoi? Ouais, je suis très souple. Je prends mes jambes à mon cou, je pars, je ferme ma porte. À ce moment-là, j'entends. Ah putain, je suis angoissée. Oh, tu fais bien les bruitages de porte. Tu fais super bien la porte, en vrai. Je fais oui, qui est là? Une fois, personne répond. Deuxième fois. Oui, je vous ai entendu. Qui est là? Elle me dit, c'est Madame Zemmer, elle s'appelait. Je dis non, mais je peux pas vous ouvrir. Je suis dans mon bain. Et à ce moment-là, elle me dit, tu mens. Je t'ai vu courir. Donc, je dis non, je ne vous ouvrirai pas. À ce moment-là, elle commence à taper encore plus fort la porte. Ouais. Ouvre-moi, Cécile. Je dis non. Open the door. Je dis. Alors, en anglais, c'est bien aussi parce que tu as dit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est parce que je suis une grosse cagueuse, j'ai ouvert ma fenêtre. Ouais. J'ai trop peur. J'ai escaladé. Je suis passée par le toit. J'ai pris une autre fenêtre qui donnait sur le couloir. Et à quel moment elle fait peur ton histoire là? Non, mais attends. Non, parce qu'on attend. Il y a le teasing, il y a le teasing. Ouais. En me jetant ses sacs à dos dans la gueule et en me disant je vais te tuer espèce de petite poufiasse. Ouais. Ouais. Ah c'est tout. Ouais. Oh, bah, elle m'a pas tué, elle m'a pas agressé. C'est juste que tous les 2 jours, elle venait à la même heure, il était 22h30, 23h, en me demandant si j'étais présente. Et si j'étais pas présente ou si j'étais présente, je disais oui Madame Zemmer et elle me disait non, c'était juste pour vérifier si tu étais là. Et elle partait. Et c'est tout. Voilà. Mais attends, mais ça fait flipper. Ouais. T'imagines, t'as une schizophrène au-dessus non, de chez toi qui vient. Je me rends pas bien compte. On doit pas avoir le même délire de flip. Schizophrène au-dessus de chez toi à 23h30 tous les soirs, elle vient taper à ta porte et elle te demande si tu es présente. Tu lui dis oui, Madame Zemmer, je suis là. Non, c'est juste pour savoir si tu étais là. Mais après, je me suis fait des films où elle allait mettre le feu, où elle allait vouloir venir me tuer, ça fait flipper, non? Moi, j'en ai une aussi dans un instant à base de machine à laver. J'aurais une autre histoire qui fait un peu plus peur. Ouais, bah, j'espère. J'en aurai une aussi à base de machine à laver. On aura Anthony aussi, dans quelques instants au téléphone, qui apparemment aussi a des histoires à nous raconter. Donc, on fera ça dans un petit instant. J'en ai plein qui font peur, moi. Bah, très bien, avec la musique, on va être au top. Ouais. J'ai peur de me faire peur toute seule et de me faire... Non, mais il y en a qui font vraiment flipper, hein, les légendes urbaines. Bon, on en parle dans un instant, ne bougez pas. On se fait vite une petite pause. On aura l'interview de Absinthe Minded aussi tout à l'heure, un groupe belge qui est plutôt bien. Si vous connaissez pas, allez voir sur Google, hein, vous tapez Absinthe Minded et puis vous écouterez. Dès que vous allez entendre, vous allez dire ah ouais putain, effectivement je connais. Donc on revient dans un petit instant, on se met un petit peu de pub et derrière c'est Mike Posner avec Please Don't Go sur Goom Radio. C'était le son de Mike Posner à l'instant avec Please Don't Go sur Goom Radio et nous sommes toujours le 1er novembre et le 1er novembre c'est le jour des morts et le jour des morts évidemment nous parlons de légendes urbaines. J'avais dit que j'allais parler d'un truc à base de machine elle avait tout à l'heure. C'est pas des légendes urbaines, c'est que des trucs qui me sont arrivés. Hein. Donc, en fait, c'était en pleine nuit, c'était marrant parce que j'avais, j'étais en coloc, comme d'habitude, quoi. Et puis, donc moi, j'avais pris la plus grande chambre, évidemment. Enfin, c'était le salon à la base, mais bref, j'avais transformé ça en chambre. Et à côté de cette chambre-là, en l'occurrence la mienne, il y avait la cuisine. Et dans la cuisine, on avait foutu les machines à laver, la vaisselle, tout le bordel. Et à un moment, je me réveille parce que je me réveille avec rien, une mouche qui passe. Je me réveille et à un moment j'entends la machine qui tourne et je me dis tiens, en pleine nuit je comprends pas, je dis quel est le connard, je croyais que c'était un de mes colocs qui avait mis la machine. Ça m'a rendu hystérique parce que ça faisait un boucan d'enfer. Je me lève, mais tu sais il faisait tout noir et dans la machine ce qui était pratique, t'as une lumière dedans, donc tu sais, pour voir le comment on appelle ça, le truc intérieur, le tonneau, le tambour, voilà, c'est ça, c'est bien, Pierre, bravo. Ouais, le tonneau, j'étais professeur de machine à laver. On va qu'il t'a dressé ta meuf. Voilà, et donc j'arrive, j'ouvre la porte de la cuisine et effectivement la machine, le sèche-linge tournait pour être précis, la porte ouverte avec rien dedans. Et le bouton éteint. Mais non. Donc c'est à dire que le bouton power il était sur off et le truc tournait avec la lumière allumée, ça faisait vouh. Attends, je dis mais c'est quoi cette blague? Et donc j'ai regardé la machine, donc j'ai repoussé sur le bouton on, mais ça tournait toujours. Attends, j'ai repoussé, derrière sur, toi. J'ai repoussé sur le bouton on et pour faire off du coup, et puis ça s'est arrêté. J'ai eu un dormi, truc hein. Pareil moi, mais ça a duré tellement longtemps. C'était tous les soirs quand j'entrais de l'école, je devais être en troisième. Ma sœur était toujours en cours et ma mère était pas rentrée, donc j'avais un horaire où je rentrais avant tout le monde. Ouais. C'était genre j'arrivais à 16h, je faisais une connerie chez moi tous les soirs, et tous les soirs quand j'arrivais, la stéréo de mon salon, elle s'allumait mais à fond. Avec toujours la même musique. Tous les jours, j'avais la même chanson dans la tronche. À mon avis, il doit y avoir des explications, ça. Non, mais ouais. Quand j'arrivais, pareil, power éteint, je touchais la truc, ça s'arrêtait pas, et genre, au bout d'une minute, ça s'arrêtait, donc j'ai regardé le mode d'emploi, pourquoi, voir si j'avais pas programmé un truc, un réveil ou une connerie. Non, je l'ai jamais su. Ça s'est arrêté, genre, au bout de 3 semaines en moins, quoi. Et tous les jours, c'est quand je rentrais, la même chanson. Mort. Arrête. Bah quoi, le fantôme qui était là, il s'est barré. Était toute seule, mais surtout cette chanson là, ça peut vraiment me faire flipper. Cotton Eye Joe là, ouais. Ça peut vraiment. Moi je suis capable de danser de la country là-dessus. Tu te rappelles pas le film 1408? 1408, non? C'était terrible, c'était un petit peu comme ça. C'était dans une chambre d'hôtel, un mec y rentrait à chaque. Avec John Cusack. Ouais, 2h du matin, 3h du matin, le poste se mettait en marche, toujours sur la même musique. Et en fait, bon, faut voir le film, parce que je c'est genre la chambre du diable et tout, ouais. Quoi. Et tous les gens qui dorment dans cette chambre meurent. Ils se jettent, ils deviennent fous, ils pètent un câble, ils se suicident. C'est la chambre de l'hôtel. Et il y a un mec, un historien, qui veut vivre cette expérience. Oui, c'est tellement drôle. Ouais, et il loue la chambre, et après, je vous raconte pas la fin parce que je vais vous raconter une histoire de possession qui est arrivée à un de mes cousins. Ah bah très bien. Attends, tu vas faire ça dans un instant. On a Anthony qui normalement est avec nous maintenant. Allô Anthony, t'es là? Ouais. Bonjour Anthony, comment ça va? Ça va bien. Tu as peur? Non. Eh ben tu devrais. C'est bien, t'es un bonhomme Anthony. Non, mais moi je pensais mon casque, j'ai trop peur. Bon, alors Anthony, sois le bienvenu. Donc, est-ce que tu as des légendes urbaines? Bah. Bon, est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur, quoi, concrètement? C'est bizarre, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-nous? En fait, je sais pas si c'est vraiment des fantômes, je sais pas quoi. Ouais. Un jour, comment dire? Bah, je regardais la soirée de l'étrange. Mmh. Ah, ça fait trop peur, ça, la soirée de l'étrange, j'adore. Bah, c'est De Chavannes qui fait peur surtout. Non, c'est Patrice Carmon. Non, c'est le gros qui présente. Ouais, Jacques Le Gros, Jacques des fois, Le Gros, ouais. Et Caroline Rousseau. Carole Rousseau. Bon, sans branle, ça fait pas peur, ça. Jacques Le Gros, oui. C'est De Chavannes, voilà. Bon, alors, et du coup, c'est quoi ton histoire? Donc, il y avait une histoire avec ma appareil fantôme. Ouais. Et à un moment, ils font un gros zoom sur une page blanche, je sais pas quoi, là. Donc, le fantôme, quoi. Ah, je l'avais vu, ce truc, je crois. C'est à l'église, hein, dans une église. Ouais, d'accord. Vas-y, dis, je crois que je l'ai vu. Et puis, bah, à un moment, plus de courant, plus rien, et puis j'étais tout seul. Donc, je me suis dit... On l'a perdu en direct. Je me suis dit, je vais mourir. Dis-nous ce que tu t'es dit. Pendant que tu regardais la truc qui faisait peur, d'un coup, le courant chez toi s'est éteint. Ouais. Ça fait flipper, ça. Oh putain. Et le pire, c'est quand. Mais ça le fait des fois. Quand d'un coup le courant s'éteint, les bougies elles s'éteignent si t'avais des bougies. Ah, ça, ça fait flipper. Ou le contraire, c'est quand tu te fais réveiller dans la nuit par ta télé, un peu comme pour le poste radio. Ah ouais, c'est vrai. Moi, il y a une période où la télé, elle s'allumait. Oui, mais c'est quand c'est parfois t'as un petit, t'as un faux contact avec la télécommande horrible, et t'as un truc qui s'allume tout seul. Moi, je hurle comme si on m'avait violé. Quoi. Ah bah, j'ai tellement peur d'être réveillé comme ça dans mon sommeil. Je fais la télé d'un coup et ça tombe sur l'exorciste en plus. Ah, un film d'horreur sur Canal ou n'importe quoi, ouais. Un truc bien violent. Un film de cul horrible. Oui, ou un film de cul. Quand tu tires la poche, c'est toujours particulier. Hein, c'est un gros trou de balle en gros plan. Qu'est-ce que c'est? Un monstre. Quelle horreur. Après, ça dézoome, tu comprends que c'est un trou de balle. Et donc, toi, Anthony, alors continue ta petite histoire. Bah, il y a le courant qui s'est éteint, donc j'étais tout seul chez moi. Ouais. Oula. Et après, deux minutes après, la lumière s'est rallumée, puis c'était fini l'histoire. Ouais. Ah ouais, ça fait flipper. Ouais, ça fait trop peur. Mais quand le courant s'éteint, ça fait trop flipper. Moi, ça m'a fait ça cet été en Corse. On avait loué une baraque avec Corse, des copines. Hein. Ouais, mais en Corse, dans un village perdu, tu vois. L'électricité en Corse. Ouais, ouais. Non, il y a même du goudron sur les routes, je crois. Ils ont fait ça l'année dernière. Et les moteurs des voitures, c'était avec des pédales. Pardon, excusez-moi. On a toujours le feu. Nous, on se silex. D'ailleurs, vous êtes très poilu, vous vous habillez pas dans la rue. Ils ont un bâton, tu vois. Non, et on avait loué donc une baraque, mais dans un village un peu perdu et tout, en hauteur. Et un soir, tout s'était éteint en même temps, mais toutes les lumières partout. Et vu que justement on avait un peu laissé ouvert et tout, toutes les bougies d'un coup. Et ça fait trop peur. Arrête! Bah, va ouvrir. Et d'un coup, toutes mes copines, on s'est regroupées en cercle et on a dit qu'est-ce qu'on fait et tout. On a appelé le proprio. Et là, le proprio qui nous dit le truc avec les plombs et tout là. Je sais pas comment ça s'appelle. Là où le disjoncteur. Il faut descendre. C'est à 200 mètres en bas, derrière l'arbre où vous avez garé la voiture. Comment ça, à 200 mètres? C'est quoi ce disjoncteur? Ils sont toujours dans des endroits peu probables. En fait, ils avaient fait un espèce de truc, voilà, avec tous les câbles électriques, le disjoncteur et tout, mais genre dans la forêt à 200 mètres, alors que déjà il y avait un sanglier qui nous tournait autour. Donc on y allait genre à 5 avec la lampe torche et tout. C'était horrible. Tu m'étonnes. Et le pire, c'est quand le propriétaire est arrivé et qu'on a vu son visage, on a eu très peur là. Ce qui était horrible. Bon, il avait la tête du Corse. Voilà. Ah bah voilà, c'est ça. Non, mais je peux comprendre que ça fout un peu les boules, hein, pour le coup. Hein. Et le Corse qui est quand même concentré sur les musiques. Hein, sur les musiques, on en parle de ça deux secondes parce que moi je peux plus tenir. On dirait quand même Jean-Michel Jarre là. Mais on dirait. Jean-Michel Jarre ou l'ingé son de The My Chemical Romance. Tu sais, le mec qui casse ça en mode concert. Lumière. Alors qu'il a deux belles. Une cloche. Ding dong. C'est moi le coup de la sonnette. Il est là en cloche. Mais oui, il est placé sur il est fier, il est fier. Non, mais le pire, c'est que depuis tout à l'heure, on lui fait c'est trop fort, baisse. Il entend que dalle. C'est Laurent Garnier de l'angoisse. Laurent Garnier, ouais. Bon, Anthony, encore un truc à ajouter? Non. Non, et bah écoute, je te remercie, Anthony, et je te souhaite une bonne soirée. Ok. Et bonjour, Anthony, paye tes factures, hein, je pense que t'auras moins peur. Ouais. Accessoirement, ça peut servir. Allez, au revoir, Anthony. Merci. Alors, chez le Corse, on donc continue, au revoir, bisous. On sonne. Bonjour, est-ce que je peux sortir? Ouais, bien sûr. Oh, il va nous mettre le jingle de Quick tout à l'heure, hein, quand on parle. Goût, c'est le goût. Je te confirme. Mais il va être concentré, c'est le principal. Toujours, raconte nos légendes urbaines. Toujours la concentration. Ah, il y en a une qui fait trop on peur. On peut raconter nos légendes urbaines? Laisse-moi réfléchir. Ça va être non. Bah, dans 5 minutes. Bah, ah, okay. Ouais. Oh putain, j'ai cru que j'allais dire non. Non, bah non, là pour le mais coup, non, je me serais pas dans le thème, donc. Oui, bah voilà, ça aurait été con, effectivement. Ouais. Non, pas tes jolis pieds, ils sont non, trop beaux. Il a juste. Hein il a une famille, il a une famille de castors sur les doigts de pied. Ouais. Il y a une. Il y a un message aussi qui est arrivé qui dit une fois étant plus petite avec ma mère et mon frère. Pas du tout, c'était un rien à voir, c'était un vieux message, pardon. Quelqu'un qui avait gagné au banco. J'arrive pas à demander. Il y a 2 semaines, et je me branle dans les lieux publics. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Ah merde, j'ai perdu le message. Ah voilà, les légendes urbaines. Voilà, je l'ai. C'est Aurélien, j'y suis arrivé là, qui dit c'est pas une légende urbaine, mais il faut que je vous fasse partager ça. Un gars et une fille étaient sur une route à 200 à l'heure sur une moto. La fille dit ralentis, j'ai peur. Le gars dit non, arrête, c'est marrant. La fille répond non, c'est pas marrant, s'il te plaît, j'ai trop peur. Le gars répond bah dis-moi que tu m'aimes. La fille dit ok, je t'aime, ralentis. Et le gars dit maintenant donne-moi un gros câlin. La fille lui fait un gros câlin. Le gars qui dit tu peux enlever mon casque et le mettre, il me gêne. Enlever mon casque. Ah oui, elle avait pas de casque. Oui, bah oui, mais enfin, il faut être con aussi pour monter sur une moto sans casque. Je comprends pas. Mais non, mais c'est juste à la fin que, en fait, il s'est rendu. Enfin, il dit, vas-y, enlève mon casque. Et c'était pas son copain? Bah, je sais pas, j'en sais rien. Il ouais, est bizarre, Aurélien, comme histoire. C'est trop bien, ton histoire. Je préfère celle du banco. Ouais, ouais, elle est chelou, ouais. Bon, allez, mettons-nous le son des Black Eyed Peas maintenant avec The Time. C'est pas le corse? Comment ça s'appelle? The time. Ding dong. Ah, c'est les Black Eyed Peas. Qui veulent rentrer. Bah, bonjour les Black Eyed Peas. Allez hop, Black Eyed Peas maintenant. On revient derrière avec d'autres légendes urbaines. Et dans moins de 20 minutes maintenant, c'est Absinthe Minded, le groupe belge de rock, qui passera nous voir pour notamment chanter en live. Ce sera d'ici quelques minutes. Donc Black Eyed Peas maintenant avec The Time. Le son des Black Eyed Peas à l'instant sur Goom Radio, c'était The Time. Et tous les soirs, on est là entre 20h et 23h. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est la Toussaint, la journée des morts. Et hier, c'était Halloween. D'ailleurs, en parlant... Je me suis déguisée, moi. C'est le bruitage du corps, aussi, ça, ou pas? Le corps, c'est vraiment des bruitages pourris, hein. Non, mais c'est vrai, regarde, c'est cri, là, c'est horrible. Bon, je suis tombé sur une info, apparemment, Halloween serait trop dangereux pour les animaux. Ah. Ouais, effectivement, ouais. Donc c'est les vétérinaires américains qui ont rappelé à leurs compatriotes de prendre certaines précautions afin d'éviter que la fête d'Halloween se transforme en cauchemar pour les animaux de compagnie. Donc maintenant vous le saurez pour l'année prochaine, on va dire. C'est l'AVMA, AVMA, donc c'est American Veterinary oh, fuck you man. Veterinary, c'est dur à dire, hein, Veterinary Medical Association. Donc il dit que les bonbons distribués abondamment aux enfants risquent de tuer les animaux parce que les enfants vont les prendre. S'il y en a un qui n'aime pas, ils vont le jeter par terre. L'idiot de chien ou de chat va arriver derrière. Il va le bouffer, ça va rester coincé dans la gorge, etc. Effectivement, et il y a même un sucre en particulier qui est le xylitol. Je ne sais pas, mais enfin bon, bref, qui peut causer la mort des chats et des chiens. Et qui rend aveugle les chiens aussi. Ouais, donc je savais pas, mais voilà, donc sauvons les chats noirs. Et alors ils disent aussi de pour les jours d'Halloween, de Toussaint, de garder son chat noir à la maison parce qu'il y a des rigolos qui pourraient le prendre et le tuer. Ah bah oui, ouais. Comme c'est un chat noir, sacrilège. C'est le mec. Il a 3 mois enfin, lâche ce chat. Et le truc, il a rien vécu le chat. Il est là, c'est un petit chaton. Ça se trouve, il a même pas encore tous ses poils. Oh. Et il se fait déjà buter. Quel ventre. Quelle horreur. Bah, c'est ça. J'aimerais en fait éventrer un chat. Ah oui, c'est tellement drôle. Moi, j'aimerais éventrer quelqu'un. Je pense que si je tue quelqu'un un jour, que genre je me fais agresser chez moi ou quoi, je fais ça, couteau dans le ventre, bam, mais et je remonte aussi jusqu'à la gorge. Et je le sais. Non, moi, elle est possédée par le démon. Ça s'appelle ça. Ah, c'est dommage, non, mais j'aurais bien vu une petite sonnette là. Cette musique m'a rappelé énormément le truc dont je vous ai parlé qui m'a été traumatisé à la fin du trône, quoi. Que je vous avais fait regarder sur YouTube. Cette musique, ça me rappelle ça. J'ai envie de chialer parce que tout le monde a Ascari. Ouais, mais ça m'a vraiment traumatisé ce truc. Mais vraiment. Non, mais attends, mais t'es traumatisé partout. C'est quand même exceptionnel. Ça fait flipper, je te jure. Je l'ai fait à Marseille, mais c'était, je pense, même moins impressionnant mais que le tien. Bah, allez voir la vidéo. Marseille, faut taper flipper, ça. Faut taper Live Horror Show 2010 et vous voyez bonjour la vidéo. C'est horrible. Live Horror Show. Oh, d'accord. T'es sûr, okay. Moi, j'ai peur parce qu'il y avait le reflet, mon reflet dans les miroirs. Parce qu'il y a une pièce où il y a ah bah que voilà, des. Ah, mais c'est ça le problème. C'est du miroir, ouais. Bon, allez, faisons la journée internationale maintenant spéciale Halloween. Happy Halloween. Ça va faire très peur. Oui, bah, j'espère aussi, effectivement. Allez, c'est parti, journée internationale spéciale Halloween maintenant avec Pierre, on y va. Voilà la journée internationale spéciale Halloween. Oui. Voilà. Bon, alors, il y avait des légendes urbaines là. Qui a des légendes urbaines à raconter? Moi. Ah, très bien. Et apparemment, on aura aussi un truc qui fait peur. On devrait avoir le père du corps tout à l'heure avec une légende urbaine. Oh, ça va être dur. Mais si on a Elisabeth, c'est pareil. Légende urbaine véridique. Ah, donc c'est pas une légende, alors. Donc c'est pas une légende, c'est une histoire urbaine. Voilà, une histoire urbaine. Ouais. C'est une street story, quoi. Mais d'accord. Qui fait vraiment très peur. Donc c'est une vraie histoire. D'accord, ouais. Ok. Bon, alors, qui veut faire, Moi, vous avez déjà beaucoup parlé. Mickaël a encore rien dit, là, pour les légendes urbaines ce soir. Oui, mais comme c'est moi qui lui ai donné. Oui, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, puis après, la musique, on se tait, hein. Ouais, la sonnette. Qu'on dit. Non, mais en fait, c'est pas, voilà, maintenant tu peux rentrer, Bonjour, j'ai une histoire urbaine, c'est ici. Ouais, vas-y, rentre. En fait, c'est pas une légende urbaine. C'est, rappelez, je vous avais parlé du film des babysitters là. Oui. La babysitter. Et ben c'est. Vas-y, rappelle nous parce que je me souviens pas moi personnellement. Comme quoi la babysitter, elle était avec des gamins, que genre il y avait le mec qui l'appelait, qui l'a traqué, genre je te vois, et en fait elle appelle les flics, elle se rend compte que le mec il est dans la maison. Dans la pièce. Ouais. D'accord. Et c'était issu d'une histoire vraie. Et ouais. Voilà l'histoire vraie. Donc c'est une babysitter. Elle a la charge de deux petits garçons dans une grande maison entourée d'une forêt. Ouais. Ça se passe jamais, tu vois. En centre-ville, ouais. Ouais, c'est ça. Il se fait tard et les parents n'arrivent toujours pas. Le téléphone sonne et elle entend « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Et là, la sonnette, non ? Je la connais. La sonnette. Wow, tu fais bien la sonnette, le coup. Take country. Donc, elle pensait que c'était une mauvaise plaisanterie et au bout de 15 minutes, le téléphone ressonne. Elle décroche et là, elle entend « Pourquoi n'es-tu pas allé voir ?» Oh, mais arrête ça, c'est pas possible. Et elle entend « Pourquoi n'es-tu pas allé voir ?» Ta gueule, non, mais non, mais t'es en train de le flinguer, oh, là. T'es bon, très bien, voilà, l'histoire. Reprends du début. Oh, bon, et elle meurt, voilà. Ce que je te dis, moi. Donc, elle pensait que c'était une... Et là, on va te confisquer la console. Hein. Ah ouais, je te confirme. Ouais. Oh là là, putain. Et donc, elle pensait que c'était une vanne. Et au tu bout le de 15 minutes... Tu le remets encore une fois, le corps, je t'éclate, hein. Ouais, bon, c'est moi qui me lève, je te bute. Et au bout de 15 minutes, donc le téléphone ressonne et elle entend de nouveau « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Ah, ta voix, elle fait trop peur à toi, gros sanglier. Non, mais d'où elle a toujours peur de tout, elle. Laissez raconter. Je sais. Bref. Elle commence à avoir la frousse. La frousse, c'est drôle. Elle commence à avoir peur et 10 minutes plus tard, le téléphone ressonne encore et il lui dit « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Mais je les ai vus, les enfants, arrête mais de m'appeler. Mais c'est qui lui dit ça ? Quelqu'un au téléphone. Ouais. Et là, à ce moment-là, elle s'aperçoit que l'appel vient du deuxième téléphone à l'étage. Elle s'enfuit et le mec avait buté les deux gosses. Oh, fort. Donc il a éventré les enfants. Enfin, il les a égorgés. On s'en parlait, quoi. 5 ans après, donc c'est l'histoire vraie, hein. 5 ans après, elle a des gosses, elle a deux filles. Ah, je connais. Mais non! Elle doit partir, mais elle n'est pas très à l'aise à l'idée de laisser ses filles avec une babysitter. Elle reste donc chez elle et le même scénario se passe dans la soirée. Elle entend ses filles crier à un moment donné. Elle voit un homme avec un couteau. Le mec essaye de la tuer et heureusement en fait le mari tue l'assassin qui avait quand même égorgé les deux filles. Oh putain. Chez elle. Trick or treating. Donc ça c'est légende urbaine. Ça c'est apparemment c'est vraiment la vraie histoire. C'est Mika qui l'a. Ouais, c'est moi en fait. C'était lui le mec. J'ai peur, j'en ai eu comme ça qui était terrible. Et en fait, c'est pas dans cette histoire où il se passe un peu le même scénario. La fille appelle les flics et les flics lui disent voilà, répondez et laissez genre 20 secondes pour qu'on puisse localiser. Ça c'est dans le film. L'appel. Ouais. Et en fait, le mec il était en haut. Ça c'est dans le film. Ah, ouais, c'est dans le film. Ah, c'est ça. Ah, bah très bien. Et ça c'est l'histoire originale du film en fait. Oh là là là. Bon, et Pierre qui s'excite pour raconter son histoire là, il va faire ça dans un instant, hein. Ah ouais. Moi aussi j'en ai eu aussi. Ouais, c'est pas patienté. Non mais l'histoire. Ouais, moi aussi, hein. Patienté. J'en ai une très courte. Très courte alors. Je rentre chez moi. Mais très courte. Et tu vois, très courte. Il faisait noir et d'un coup. J'ai eu peur. Il a vu un cajot dans son lit. C'était la veuve d'hier, il l'avait oublié. Non, c'était Emily. Oh putain, ça c'est dur. Ouais. Je vous assure que c'est vrai. Et ça, c'est pas une légende urbaine. Et moi, ça m'a fait pareil. J'ai une histoire très très courte, hein, mais alors vraiment courte pour le coup. C'est que j'étais avec Mika, on s'est un peu chauffé et tout. Il a baissé son caleçon, et là voilà. J'ai eu trop peur. Parce que c'était très très courte, mais comme l'histoire en fait. Hein. Voilà. C'était un anaconda. Non, bien au contraire, il y avait rien. Il y avait rien. Bon, ça fait pas peur. Alors, et il y avait une foufoune, j'imagine. Oh, quelle horreur. Rousse. Bon, on reparle des légendes urbaines dans quelques instants. On aura aussi le père du Corse, donc avec une histoire vraie. Mmh. À mon avis, c'est quelqu'un qui a dû tuer lui-même de ses mains. Probablement, en tout cas. On va parler de tout ça. Et puis, dans quelques minutes, là, juste après Julian Peretta, il y a Absinthe Minded, un groupe de rock belge qui va débarquer. Donc, les questions 01 55 64 13 24. Absinthe Minded, c'est juste après Julian Peretta maintenant avec Wonder Why sur Goom Radio. Et ce soir, on reçoit le groupe Absinthe Minded qui est avec nous. Et en plus, je suis content parce que ils sont belges. Alors, pour une fois, alors, c'est pas que ça me met en majorité, mais moins en minorité que d'habitude. Ouais, c'est ça. On est presque à égalité, ouais. Bah attends, 1, 2, 3, 4 français, 3 belges, ouais, non, bah on n'est pas encore vraiment à l'égalité, mais bon. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Bon, je suis content que vous soyez venus. Alors donc vous êtes belge, mais bientôt, comment on va dire, Flandre, flamand au final, hein. Parce que le pays va bientôt être coupé en deux. Moi j'ai toujours été flamand et Renaud est un bruxellois qui vit maintenant en Flandre. Oui, qui habitait à côté de chez moi d'ailleurs, très bien. Donc voilà, donc ils sont belges, donc ils parlent français. Est-ce que vous pouvez donner un petit cours éventuellement, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours à Cécile qui était là et qui essayait d'imiter l'accent belge. Et donc mais je trouve qu'on le fait plutôt bien nous. Hein. Ouais, non, bah justement, je voulais savoir ce que vous en pensiez en tant que belge en l'occurrence, comme moi. Moi j'ai trouvé ça pourri, mais vas-y, essaye de faire l'accent moi, belge. Moi je le fais très bien une fois. C'est nul. Je le fais bien, non? Avec le une fois, oui, je crois. Ouais, mais ouais, c'est parce qu'il y a une fois derrière, parce que sinon, c'est une vraie catastrophe. C'est ça. Bon, donc, comment ça se passe? Absent Minded, justement, c'est le nom du groupe. Comment est-ce qu'il est né? Qui c'est qui est à l'origine de la création du groupe? Ouais, je pense que ça doit être moi. Et, moi, je suis un singer-songwriter, comme on dit. Ok, donc un chanteur et auteur, quoi. Oui, voilà. Et, à un moment, j'ai fait connaissance avec Renaud, qui joue de la violon, et on a décidé qu'on va jouer beaucoup ensemble, avec un contrebassiste et un pianiste. On a commencé à jouer beaucoup dans les bars, à Gand et à Bruxelles et à Anvers et tout ça. Et ça, c'est le début du groupe. Comme ça, un groupe de scène, un groupe acoustique. Et maintenant, on est ici, à Paris. Donc, il s'est passé beaucoup entre... Oui, alors quel âge il a, le groupe? Presque 10 ans. Presque 10 ans quand même. Et alors, la rencontre avec les autres membres du groupe, comment elle s'est passée? Ça s'est fait sur casting ou au fur et à mesure? Pas sur casting. On a... Moi, je connaissais Jakob et Sergei. Ouais. Jakob est le batteur, Sergei... Et le contrebassiste, bassiste. Et voilà. Moi, je connaissais Jakob de notre école de jazz. Mm-hmm. Et Sergei, je le connaissais de boire des bières au café. Hey, c'est les meilleures rencontres en général. Hein. C'est pour ça que j'ai rencontré Émilie. Ouais. Voilà. Amitié solide. Ouais, tu parles, ouais, l'amitié solide, ouais. Bon, comme on le sait, puisqu'on est diffusé aussi, on est sur Internet, donc on est diffusé partout, y compris en Belgique, on a des auditeurs aussi qui nous écoutent en Belgique. On sait tous, et les Français le savent, surtout aussi ceux qui sont dans le Nord, qu'il y a une petite guéguerre entre les francophones et les Français et les Belges, en l'occurrence. On va vérifier qui sont les meilleurs, et pour vérifier, on va faire l'interview Who's the best de la France ou de la Belgique, à votre avis, qui sont les plus sympas? Sachant que je suis belge, donc vous n'êtes pas obligé de dire que ce c'est les Français. Non, non, voilà, soyez honnête, hein, y a pas de problème. Vous pourrez chanter quand même, avec plaisir même. Je trouve les Français très sympas, je trouve les Belges aussi très sympas. Je sais pas dire qui est le plus sympa. D'accord, ok. Et mais je connais plus de Belges. Oui, oui, bah oui, forcément, ça. Donc ça les aide. Belges sont plus sympas. Les Belges sont plus sympas. Parce voilà. Que j'en connais plus. Et ouais, bah, non, mais c'est vrai. Alors, et toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai aussi le même opinion. C'est pas bien, parce que moi, je suis à côté de toi et je peux me vexer à tout moment. Mais arrête, mais qu'est-ce que c'est vexé? Donc toi, même opinion aussi, comme tu connais les deux en l'occurrence. Bah oui, mais c'est ça. Même en Hollande, j'ai des amis, donc. Oui, bah oui, oui. Après, donc, c'est quelque chose de personnel. Ça n'empêche pas. Faire avec ma nationalité, donc je m'en fous. Bon, où trouve-t-on les meilleures frites? En Belgique, c'est ça. Ah, on est d'accord. Pourquoi en anglais, on dit French fries? Ouais, mais non, alors, ouais, ça, c'est une erreur. C'est vous qui avez commencé. Voilà, ça. Exactement. C'est les une French erreur. French fries, ça ressemble à rien ça du tout. Ça ne ressemble à rien du tout. En plus, vous les cuisez qu'une seule fois, ça ne veut rien dire. En plus, c'est un goût dégueulasse. Vous les cuisez au bain-marie, vous. Ouais. Frites au bain-marie. Disons que je me fais agresser pour des frites, ça va aller. C'est pas pire que les Anglais qui cuisent les frites dans le four. Alors, ça, c'est aussi, ça, c'est une honte. Moi, je fais dans le four. Bah, quelle horreur. Les McCain. Oh, c'est les meilleurs. Où est-ce qu'on trouve les plus jolies filles? En Pologne. Ah non, c'est que la France ou la Belgique? Ah merde. je sais pas, moi. Comme je suis plus en Belgique, en Belgique. En Belgique? D'accord, ok, très bien. Où trouve-t-on les meilleurs musiciens? En Belgique. En Belgique aussi, ok. Où trouve-t-on les hommes politiques les plus drôles? En Belgique. Oui, alors là, d'accord, là-dessus. Où trouve-t-on les meilleurs footballeurs? En France. Nous, on fait même pas avec nous. Quand même, on a quand même une équipe nationale. Bon, d'accord, le nom de l'équipe Attends, Monténégro aussi, hein, ils ont une équipe nationale. Non, mais d'accord, ouais, mais bon, franchement, au moins, on préfère nous ne pas aller se la ramener à la Coupe du Monde que de rentrer comme vous êtes rentré, hein, avec un bâton dans le fion. Enfin bon, si je puis me permettre. Où trouve-t-on les plus beaux monuments? En France. Bon, là, on est d'accord. Où trouve-t-on les meilleures bières? En Belgique. En Belgique, ouais. Très bien. Où trouve-t-on les meilleurs chocolats ? En Belgique. Ok, et où trouve-t-on les gens les plus bizarres ? En Belgique. Il y a le nord de la France qui se défend, hein. Ouais. Ah non, mais c'est vrai, faut ça dire fait ce qu'il une y a, bonne quoi. Moyenne, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait une bonne moyenne sur le coup. Donc, Absent-Minded, qui a fait donc le premier quiz, donc, Who's the Most. A priori, c'est plutôt les Belges, hein. Là, en général, au niveau des réponses. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le premier son, hein. Vous allez en faire deux, hein. Oui. Bah oui. Voilà, deux sons. Avec plaisir. Alors, quel est le premier titre? On va jouer en voix. Oui, on va commencer avec en voix. En voix ? Oui. Ok, c'est parti. Alors, quand vous voulez, Absent Minded maintenant avec en voix sur Goom Radio en live. Ah oui. My verses syncopate a bit. I never get used to this. They live long enough. Enough, I send them out of the house. I don't wanna wait until the toes are cold. Enough, I wanna hear the humming of the sun or that of my heart, harden it. Enough, they don't shoot classically. They babble commonly and bluster nobly. Enough, enough, winter their lips sleep. In spring they lie flat at the first warmth. They ruin my summer. And in autumn these girls and a broken heart. Another 12 lines on the sheet. I hold my head over the head, then I'll kick him out. Enough, going past the elsewhere. One cent rhymes, find somebody who cares. Enough, go now on your high feet. This is where the greys laugh when they see their guests. Enough, on corpse on top of the yard. Go now and stagger to her, whom I do not know. Enough, enough, winter their lips sleep. In spring they lie flat at the first warmth. They ruin my summer. And in autumn these girls and a broken heart. In winter their lips sleep. In spring they lie flat at the first warmth. They ruin my summer. And all to these girls and a broken Minded à l'instant sur Goom Radio. Bravo à vous. Et je viens de voir aussi d'ailleurs que en janvier, c'était il y a presque un an, vous avez chopé aussi 4 récompenses au Music Industry Awards, c'est les MIAS, donc avec l'album donc Absent Minded, meilleur disque, meilleur groupe, meilleur single et meilleur rock alternative. Pas mal, hein. Non, pas moi. Ah oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont, ouais, c'est bien, ouais, c'est normal, hein. C'était super qu'à ce moment, on a eu toutes ces récompenses parce qu'on on a joué tant de fois à Belgique et c'était un moment de respect, c'était parfait. Et d'ailleurs, il y a aussi Deus et Arnaud aussi qui vous soutiennent pas mal et qui aiment bien ce que vous faites apparemment. Donc ça fait plaisir quand même d'avoir des groupes comme Deus. Tout au début, ouais. C'était cool d'avoir des gens comme ça. Et vous les avez rencontrés comment tous les deux? Bah, tu sais, la Belgique, c'est un pays, hein. Ah, donc, ouais, je sais, ouais. C'est un petit pays et quand tu joues beaucoup, tu connais toutes les salles et de temps en temps, tu fais connaissance avec tous ces gens donc. On a fait l'avant-programme aussi de Deus. À la première partie de Deus. Oui, voilà. Donc là, il nous a suivi beaucoup quand même. D'accord. Bon, bah ça va, c'est cool, ça fait plaisir. Et ça veut dire quoi, Absinthe Minded? Pourquoi ce nom-là? Il y a une raison en particulier ou pas? Ah oui. Ça, c'est un chouette nom. oui, c'est vrai. Ça fait penser à beaucoup de différentes choses, je pense. Bah, être absent, bien, j'avais vu sur internet que vous avez dit que ça faisait référence aux années 30 à New York. Ouais, mais c'est ça, c'était la fois passée, mais non, c'est... Ah, mais non, ça veut plus dire pareil. Non, c'est voilà, être absent, mais aussi cette référence effectivement aux années 30, Django, et c'est un peu ces poètes maudits. D'accord. Et donc, alors votre album donc s'appelle Absinthe Minded. Bah, il cartonne pas mal en Belgique. Vous avez travaillé avec des gens connus justement sur l'album ou c'est une production maison? En Belgique, tu veux dire? Ouais. Quand vous avez fait l'album, vous avez travaillé avec. Enregistré à Paris. Hein. Oui, mais je veux dire l'écriture. Il y a des gens, d'autres personnes qui vous ont aidé à l'écrire ou vous avez fait ça tout seul? On a fait ça tout seul. D'accord. Bien sûr. Et pourquoi l'avoir enregistré à Paris justement l'album? Parce qu'on on voudrait. Aller en quarantaine. En quarantaine? Oui. C'est-à-dire? De pas penser aux autres choses hors de la maison. Ah oui, d'accord, ok, ouais, donc être vraiment fermé dans un endroit à l'ami que vous connaissez pas, enfin, vous avez pas d'amis au bar, quoi. Uh-huh. En gros, c'est ça. Et ou dans un endroit où la bière, elle est pas très bonne, quoi. Comme ça, au moins, vous êtes pas tenté de sortir. De ce côté-là. Bah, la bière est pas bonne ici en France, mais le vin est bon, donc. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un côté positif et négatif, ouais. Et donc l'album est sorti en 2009. Il y a déjà un nouvel album qui est en préparation ou pas encore? Oui, absolument. Tu sais, écrire des textes et travailler sur la musique, c'est un procès qui se passe tous les jours. Donc, et qui prend du temps aussi. Ah oui, mais on va pas nous asseoir et dire maintenant on a un demi-année, on va faire un nouveau album, écrire un nouveau album, c'est ça. Donc c'est quelque chose, on est en train de penser et de jouer ensemble et aussi faire des nouveaux arrangements, des nouveaux chansons. Alors il y avait une date de concert aussi à Paris notamment, il y a une date aussi, il y a des dates de tournée en Belgique, Suisse, Luxembourg, France forcément. Oui. Je pense que le plus important c'est l'Alhambra le 7 décembre. Non, le 9. Le 9. Hier il disait le 17 sur une autre interview. Le 9 décembre, l'Alhambra à Paris. D'accord. Et puis la semaine prochaine on joue à Metz, à Caen, à Lyon, Tourcoing. D'accord. Ah oui, donc ça va, une petite tournée dans le nord en tout cas de la France dans un premier temps. Donc ça c'est plutôt cool. L'album, on va bien pouvoir en offrir quelques-uns. Combien? 2. 20. Oh, c'est bon. Non, parce qu'on sait pas faire 20 avec des mains. Donc sur les deux en théorie, c'est parce qu'il y a un zéro derrière. On verra. J'aime pas quand les gens disent on verra. Vas-y. Vite mail, d'ici demain, je t'envoie un mail. Ouais, demain, je te ferai un mail, on verra s'il en a deux ou trois. On va voir ce qu'on va pouvoir filer, ouais. Bon, donc j'ai fouillé sur internet à votre sujet. Donc ce que j'avais trouvé, c'était par rapport au fait du nom, donc qui était venu des années 30, que vous vous étiez rencontrés effectivement à coup de bière, ce que vous nous avez dit finalement dans l'interview. Mais j'ai pas trouvé beaucoup plus sur vous. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse la petite interview. Qui est le plus? La règle est très simple. Je vous pose une question et vous me dites tout simplement entre vous deux qui est le plus, tout simplement, genre qui est le plus radin, pour qu'on sache un petit peu plus. C'est lui. Ah, t'aimes pas dépenser alors toi? Non, pardon, tu n'aimes pas dépenser de l'argent? Je vais traduire ça, tmist hirig. Moi? Ah oui, il avait pas compris. Je comprenais pas le mot. Je ne sais rien dire. Lui. D'accord. Ça c'est bien ça. Okay. Ah ouais, ok. Qui est le plus riche? Lui. Ah bah oui, c'est normal, il les dépense pas, hein. C'est logique, ouais. Qui est le plus autoritaire? Moi. Non, moi. Ah. Autoritaire, ouais, ça veut pas dire que je... Mais dans la vie, je suis très, très sévère. Très, très sévère. Jamais content. Et... Toujours ça, agressif. D'accord. Non, pas agressif. Mais... Non, mais voilà, mais jamais content, quoi. Jamais content. Et... D'accord, ok. Qui est le plus sportif? Moi aussi. Oui, d'accord. Le plus séducteur? Pas... On peut pas... Mon père. Qui est le plus fort? En quoi? Physiquement, ouais. Ouais, ça, tu peux. Ouais, je te le donne, allez, vas-y, tiens. De toute façon, c'est moi le chanteur, donc je m'en fous, alors vas-y, vas-y, vas-y, tu peux y aller, ouais. Qui est le plus malin? C'est pas lui. C'est lui? D'accord, pourquoi c'est parce que c'est lui qui écrit. T'écris un petit peu, toi, quand même, ou pas du tout? Non. Toi, il y a que lui qui écrit, il y a que toi qui écris? Oui. Les chansons? D'accord. Oui. Moi, j'aime préférer regarder la télé. Oui, bah, j'allais dire qui est le plus fainéant, donc toi, en l'occurrence. Ok, très bien, parfait. Et sinon, vous écoutez quoi comme musique, en règle générale? De tout. En règle générale, de tout, oui. Absolument. Donc, moi, j'adore aller dans les magasins de vinyle, second hand shops et tout ça, trouver des choses que je ne savais pas qui existaient. Ou de chercher des nouveautés aussi. Donc, un mélomane. Mm-hmm. Oui. Donc, donc voilà. Notre inspiration vient de toute cette bonne musique, mais ok, le jazz, comme on est fan de Miles Davis, bien sûr. Et quand je chante mes chansons, je sais qu'il y était un groupe une fois, The Beatles, j'adore ça aussi. Donc, mais aussi des choses nouveaux. De maintenant, j'aime M.I.A. ce qu'elle fait. C'est super hardcore, c'est chouette. J'adore beaucoup des nouveautés parce que j'ai l'impression que les groupes indépendants, ouais. J'ai un peu l'impression que le temps des superstars, c'est un peu. Ça descend un peu, ça diminue. Ouais. Donc t'as quelqu'un comme M.I.A. Ce disque, c'est pas du pop du tout. Hein. Non, c'est clair. Ouais. J'aime ça. D'accord. Bon, ce que je propose, c'est que avant de terminer, facile la deuxième chanson. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire là? C'est quoi la deuxième? Tu réfléchis. Ah ben réfléchissez vite, hein, parce qu'il va falloir la faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux, une balade ou quelque chose très vite? Non, comme vous voulez, vraiment. Non, dis-nous. Bon, qu'est-ce que vous voulez, les filles? Une balade. Ok. Ça y est. Allez. Allez, c'est parti. Le deuxième live maintenant de Absent Minded sur Goom Radio. C'est parti. 1, 2, 3. Takes just a second, and everything's changed. She's got a mindset and sees things her way. They go to the movies, she walks out halfway. The plot couldn't move her, she got no time to waste. She never said I am the one, I gotta do the best I can. She changes her mind overnight sometimes. When I look into her eyes, I know what makes it all worthwhile. My mood swing, baby, she's at it again. Never a dull moment, and I can have it. I cannot resist her, she's under my skin. And I'm here to please her, and she's here to win. She never said I am the one, I gotta do the best I can. She changes her mind overnight sometimes. When I look into her eyes, I know what makes it all worthwhile. my mood swing, baby. She's my mood swing, baby. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Sometimes when I look into her eyes, I know what makes it all worthwhile. Voilà, jusqu'au bout. Bah, superbe. La chanson de Absinthe Minded à l'instant. Ah bah ça va, c'était bien. On peut dire qu'on adore que je te vole ça juste pour dire que c'était génial. Cécile aussi, elle a trouvé ça génial. C'est exceptionnel. Non, mais c'était exceptionnel, ouais. En plus, ils seront en concert à Londres aussi. Ah, t'as vu un peu ? Je veux y aller. Oh, ça va être énorme. Ce sera au garage le 16 novembre, dans 15 jours à Londres. J'y vais aussi le. Si j'étais ici, donc. Bah oui, mais comme t'es fan de Londres, tu disais, excuse-moi, Bart. On va à Istanbul aussi. Ah, Istanbul aussi, ça j'ai pas dans ma liste. Hein. Sinon, il y a Saint-Etienne aussi au fil le 18 novembre. Il y a Sanoa aussi à l'EMB le 19 novembre. Et donc, comme on le disait, le 9 décembre à l'Alhambra, donc c'est à Paris. Et c'est quoi le 9 décembre? Le 9 décembre, c'est un 9 décembre. C'est un jeudi. Ah, mais tu vois, il faut faire des concerts le week-end. Et ouais, c'est ça, parce que nous, on n'est pas disponible. Bah, enfin, c'est de... bon, on s'arrangera. Ouais. De toute façon, on est plus à ça près maintenant. Tu viens pas au pire, hein, c'est pas grave. Bah voilà, ouais, c'est ça, ouais, on va s'arranger, c'est pas un souci. Ouais. Bon, en tout cas, merci à vous d'être venu. Bon courage pour la suite. Merci. Et puis, quand vous repassez, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Hein. Super. Alright. Sympa. Surtout si vous refaites des chansons comme ça. Hein. Oui. J'adore. Ah, mais... j'espère que ça donne aussi bien parce que ici c'était ouf, quoi. La voix et tout. Donc les 2000 albums à gagner. Donc maintenant, exactement, il a confirmé. C'est parfait. Si vous voulez choper les albums, donc vous me faites un mail maintenant. Donc mikl@goomradio.com ou alors vous appelez le 01 55 64 13 24. Et si vous êtes à l'extérieur de la France, vous faites le 00 33 1 55 64 13 24. Encore une fois merci, et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller aussi sur le site absinthminded.be et bon, on mettra le lien sur .fr et point, ah bah ça marche aussi .fr, oui, bah, j'ai pas essayé, dis donc, attends, hop là, .fr, et oui ça marche effectivement. Bon bah absinthe, c'est même pas le même en plus, c'est meilleur. Oui, c'est vrai, c'est vous pouvez meilleur être sur site. Bah, comme ça vous pouvez être tout simplement sur Facebook, c'est encore plus facile comme ça, effectivement, ouais. Donc voilà, absinthe minded, et si vous avez du mal à l'écrire, vous allez sur Google, vous tapez A, B, S, Y et hop là, vous trouverez directement la suite de l'orthographe. Merci à vous en absolument. Tout cas. Merci. Et revenez quand vous voulez. Et nous, on va revenir dans quelques instants, juste après la pub. Ne bougez pas de là tout de suite. Bouge pas. On fait la pause sac à main. Frido s'en met plein les fouilles pour acheter des iPhone 4 aux héritiers. Mickaël revient juste après ça. Son de Martin Solveig, à l'instant, c'était Hello sur Goom Radio. Et puis Absinthe Minded qui viennent de passer. Il y a toujours les albums donc de Absinthe Minded à choper. Vous faites un mail tout simplement sur mikl@goomradio.com. Encore des légendes urbaines qui sont arrivées. Il y a Mohamed aussi qui m'en a envoyé une, qui dit c'était un couple avec un enfant qui décida de partir au restaurant sans leur enfant. Alors ils engagèrent un babysitter. C'est quand même pas l'histoire de... Est-ce que je la découvre en même temps que je la... Ça se trouve, c'est la même que Mickey qui a raconté il y a une demi-heure, merde. Il engage un babysitter pour la soirée et donc ils partirent. L'enfant est couché depuis longtemps et les parents ne sont toujours pas venus. Soudain, le téléphone sonne et la voix brûle d'un homme disait « Sors de la maison ou je vais te tuer ». Ah non, c'est pas la même. Non, si c'est la même, mais il a pas dit la même chose, quoi. Attends, le babysitter ne le prend pas au sérieux. C'est là qu'on voit que les légendes urbaines, tu vois, chacun transforme comme il veut. Le babysitter ne le prend pas au sérieux car elle pensait que ce n'était qu'une mauvaise blague, mais 15 minutes plus tard, le téléphone ressonna. Sors de la maison ou je vais te tuer. Le babysitter ne le prend toujours pas en compte. 10 minutes plus tard, de nouveau, sors de la maison ou je vais te tuer. Cette fois-ci, le babysitter commence à paniquer. Eh putain, après le premier coup, moi j'appelle les flics. C'est ça. Après au bout d'une heure et quart et le 360e appel, il se lève du canapé. Mais moi, je suis déjà ça, loin avec grave. Le gosse. Hein. Moi, sans le gosse, j'en ai rien à foutre. Ouais, d'abord aussi, mon cul. Hein. Donc cette fois-ci, le babysitter commence à paniquer et appelle l'opératrice en lui demandant de vérifier qui appelle. L'opératrice lui dit de garder une minute en ligne. Bah oui, c'est ça. On t'entend mal. Tu disais déjà l'opératrice. Oh, j'ai fait le corps sans ce coup-là. Ouais. J'ai parlé tout seul dans le vent pendant une heure. Si c'était Émilie et moi et qu'il y avait mon fils, tu vois. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chacun son assiette, on est d'accord? Non, et tu nous auras engueulé les filles. Vous n'avez jamais vos micros, Lana. Nous on te dit rien, Pierre. Et donc bref, l'opératrice. On aura dit Le Pen, hein, quand elle fait Nana. On leur a dit Jean-Marie Le Pen, dis donc. Le Pen ce soir. Ouais, bah super. Ah, t'as mis du Guerlain là. Bon, donc du coup, qui veut faire sa légende urbaine? Moi. Bon, vas-y, Cécile. Non mais Cécile, elle dit rien. Elle, est... elle lève la main. C'est comme si on était à l'école. Alors, il me faut le son. C'est bon. Tel à vive. Il est déjà très tard quand un jeune homme rentre chez lui. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune fille faisant du stop. Il décide de s'arrêter et de la raccompagner chez elle. Comme cette dernière avait froid, il lui propose de mettre sa veste. Il bavarde tout au long du chemin, puis la jeune fille rentre chez elle. On dirait qu'on fait une dictée. Le lendemain matin, le lendemain matin, le jeune homme se rend compte que la jeune fille a toujours sa veste. Il décide donc d'aller chez elle pour la récupérer. Lorsqu'il sonne à la porte, une dame lui ouvre et lui explique que la veille au soir, il avait raccompagné une jeune fille qui habitait là et qu'il aimerait récupérer sa veste. La dame a l'air étonnée et après quelques instants... 74. Chut, elle a niqué ma truc. Oui, c'est ça. La dame a l'air étonnée. Après quelques instants, elle revient avec une photo qu'elle montre au jeune homme. Celui-ci reconnaît bien la jeune fille de la veille. La dame lui explique alors que la fille sur la photo était bien sa fille, mais qu'elle était morte dans un accident de voiture des années auparavant. Sceptique, le jeune homme se rend au cimetière et retrouve sa veste sur la tombe de la jeune fille. Quelle horreur! Et ça, c'est vraiment une histoire de Pierre Bellemare. Ouais. Ça, c'est, ouais. Mais c'est d'ailleurs. C'est du Bellemare. Ouais, c'est du Bellemare. Et tout ça pour 500 kg d'enfants, c'est pas un bon plan, hein, ton truc, hein. Moi, j'ai une histoire. J'ai une histoire, mais véridique. Allez, vas-y, une histoire véridique. Et qui est arrivée à un petit cousin, donc, tu vois, c'est genre, c'est pas du mytho. C'est pas comme les gens d'Urbaine qui arrivaient, genre, ouais, un copain d'un pote. C'est un cousin mytho, hein. Non, mais là, c'est de la famille. Bref, c'est assez proche, quand même. Bref, le petit, là, il était bébé. Et genre, il avait 2-3 mois, un truc comme ça. Et toutes les nuits à minuit, genre, il se mettait en position assis, il hurlait à la mort. Ouais. Il pleurait. Et tout le temps. Et donc, ma tante, qui est genre infirmière, mais qui est athée au possible, qui croit pas à toutes ces conneries-là, ouais. Tu vois, se dit, mais c'est quand même bizarre. Donc, elle va avoir un pédopsychiatre, un psy, tu sais, un pédiatre et tout, là, pour les enfants et tout. Ouais. Et il dit, mais comment ça se fait que mon petit, à cette heure-ci, il se met toujours en position truc. Il lui donne des cachets, des tranquillisants, des trucs pour que le petit bébé, voilà. Et surtout, que c'est que le pédiatre, il lui fait, non, mais c'est pas possible qu'il se mette déjà en position, il prend ma tante pour une genre, une meuf, parce que sa colonne vertébrale pour une mytho. Mm. Sa colonne vertébrale n'est pas formée, donc il peut pas, le petit bébé, se mettre en position. Ouais, ça met du il temps, tient non. pas quoi. Il tient pas, il pourrait pas. Et alors que là, il était raide comme un truc, et puis. Tu sais, genre truc. Genre, mais il était réveillé ou avec les yeux fermés quand il les faisait ça? Les yeux rouges. Non, les yeux rouges, il était sur répondeur, j'en sais rien. Est-ce non, mais qu'il il avait était des pas bien quoi. Sur la tête. Il était assis. Et des ailes dans le dos. Donc il fumait un gros cigare là, Hellboy. Non, vas-y. Et donc au final, c'est pas que. Donc il a rien pu faire, les cachets n'ont rien fait et tout, et le petit tout le temps. Et donc là, elle a été voir un prêtre, et le prêtre il lui a fait, non mais là c'est pas possible, c'est vraiment un cas de possession là. Il est exorcisé. C'est quand même très dur. Ouais. Et donc là, quand il va crier à minuit, au premier cri, vous allez planter la plus grande larme, la plus grande lame que vous avez dans votre cuisine là, dans la plus vieille armoire de bois en bois là, tu vois. De chez vous. Et donc elle avait une vieille armoire de sa grand-mère qui datait de 1000 ans là, et au premier cri du bébé en position assise, elle a planté la lame. Et la lame, elle est restée dedans. Et depuis ce jour-là, plus jamais de cris et tout. Et après, c'est un bébé normal. Et il s'est plus assis avant 6 mois, 7 mois, quoi. C'est bizarre ton histoire quand même, hein. Non, mais c'est vraiment. Tu lui parles à ton cousin ou pas? Non, mais il est plus normal. Non, mais oui, mais moi j'avais super peur. S'il est normal comme lui, oui. Non, oui. Mais par contre, quand on le voit, il faut toujours avoir des gousses d'ail dans les poches. C'est ça, ouais. Ouais, il est vachement normal. Mais ouais. En fait, et le fait d'avoir mis cette épée dans cette armoire, ça l'a sauvé. Cette épée, ouais, non, mais en fait, ce que tu veux, il y a eu. Le couteau est tombé. Le couteau, genre, il est tombé. Ah, c'est un couteau. Non, mais un couteau, ouais, une plus longue lame. Oui, une épée. Ouais, en fait, non, mais c'est pas un couteau un de cuisine. Sabre, un sabre. Un couteau de cuisine. Et oui. Au premier coup, tac, d'après ce qu'on m'a dit. Et je sais pas si c'était de ma famille, en fait. C'est pas j'ai vu ça sur Canal Plus, il y a 20 ans. C'était Van Helsing, je crois. C'est ça. Mais moi, il m'est arrivé un truc, mais c'est les esprits, moi. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il y a avec les esprits? Et vraiment, et on se baladait genre en scout et tout machin. Et un jour dans les bon bref en campagne, parce qu'on se faisait chier. Et un jour on voit une espèce d'église et on se dit, ah les gars et tout, ce serait cool un soir de venir là, genre on boit 2-3 bières, on se cale ici, ça rebelle. Peut être marrant. Et en fait c'est toute petite chapelle perdue en pleine campagne, mais il y a rien quoi, c'est-à-dire qu'il y a rien autour et genre tu la vois un peu de la route, mais à 20 mètres derrière des feuilles et tout, truc un peu abandonné. Et on y va un soir, la porte genre qui grince bien comme il faut, tout le truc de film d'horreur là, donc on rentre dedans machin. Et il y a un pote qui fait, ouais, donc au bout de quelques bières, qui fait, venez, on fait les esprits et tout, moi je sais faire, genre, je sais faire, quoi. Et du coup, on allume, je sais pas quoi, briquet, allumette, enfin, je pense des merdes. C'est esprit, es-tu là? Et on était tous, je tiens à insister là-dessus, on était tous dans cette putain de chapelle, dedans. Ouais. Et, machin, on fait les trucs, on se tape 1000 barres de rire, parce qu'on se fout de sa gueule, on dit, ah, ta gueule et tout, les esprits, ça marche pas, nanana, machin. Et à force de se foutre de sa gueule, au bout d'un moment, les portes ont claqué, il y avait pas de vent. Voilà. Mais non, mais ça c'est un pote qui était derrière et qui s'est foutu de bah non, gueule, on était tous c'était dedans. La maison hantée Disneyland, non? Un autre pote. Bah je sais pas, non, pas un autre pote, c'est pas possible, on était tous dedans, vraiment. C'est au même endroit où t'as fait l'amour sur un cheval. Ah mais c'est abusé de faire ça dans une église quand même. Bah de quoi? C'est comme si demain c'est tu pas dans une église. Bah c'est dans une chapelle. Petite chapelle quoi. Ah une petite chapelle. Petite chapelle de merde là. Mais genre abandonnée, non? Ouais, mais genre abandonnée. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est genre Noé, c'est pas comme si t'étais à Notre-Dame de Paris où normalement tu t'attends à ce qu'ils ferment les portes, c'est normal. Chapelle Sixtine. Ah mais t'imagines le mec qui fait une réception dans le Sacré-Cœur. Ouais. C'est bon, c'est tout le temps ouvert si vous voulez, ce soir je reçois là. Ouais. Sur l'hôtel en mode c'est très dur. Ouais. Ça s'appelle piller un lieu sacré quoi. C'est ça. Ça te fait plaisir qu'on passe ça dans une synagogue la juive. Attendez, je peux vous raconter les feux follets? Non, ah oui, attends, les feux follets, c'est pas mal. Alors les feux follets, attends, j'étais dans un cimetière. Ouais. Et aux Trois Lucs. Tu connais les Trois Lucs, toi? Ouais. Le cimetière, il est grand. Moi, je connais que deux Lucs. Mais Non, Trois Lucs. Oh, c'est... T'as non, Luc Ferry, c'est Luc. Non, Luc les Trois Lucs. Allez, hop, et Luc. Ouais. Besson. Allez, Luc Ferry. Et donc, j'étais avec les Trois Lucs. T'es vachement le Luc, toi. Non, moi, j'étais aux Trois Lucs, grand cimetière de Marseille. Et ma tante habitait juste à côté. Et un soir avec mes cousins, on s'est dit allez venez, on va s'amuser dans le cimetière et tout. Donc on saute la barrière. Ouais. On se retrouve dans le cimetière. Bon, ils m'ont forcé. On va s'amuser dans le cimetière. Non, mais ils m'ont forcé, donc je les ai suivis parce que sinon je dormais toute seule dans la maison. Donc j'ai préféré être avec eux dans le cimetière que être seule dans la grande maison. Du coup, je pars avec eux dans le cimetière et on se met à courir entre les tombes. Mmh. Et à ce moment-là. Bah, à ce moment-là quoi? Attends, je mets le suspense. Mais non. À ce moment-là. Une espèce de boule de feu nous a poursuivi. Une boule de feu qui sortait des tombes. Le Corse, c'est les feux follets. Voilà, c'est ça. Qui sortait des tombes. C'est-à-dire que une boule de feu, mais pas une boule de feu genre la Kamehameha de Dragon Ball. Hein. Une boule de feu, c'est une espèce de substance avec du gaz qui sort de la tombe et dès que tu passes devant une tombe. Donc à ce moment-là, je me suis dit mon dieu, donc les mais morts c'est ne comment c'est mais possible. Pas forcément dès que tu passes devant une tombe. Comment c'est oui, possible mais c'est un truc scientifique. Et le feu follet, c'est trop drôle le nom feu follet. Mais c'est moche surtout hein. Oui voilà, mais j'imagine le feu tout follet. Et du coup, c'est dès que tu passes devant une tombe, il y a une substance qui fait que ça sort. On t'entend mal, t'es à côté de ton micro là. Qui sort de la tombe, c'est du gaz qui se transforme en feu et qui te poursuit quand tu cours. Mais ça n'importe quoi. Oui, les feux follets, ça existe, c'est scientifique. Je l'ai vécu. Mais c'est pas quand tu passes devant forcément une tombe, il y en a souvent. C'est la décomposition du corps qui dégage du méthane ou un truc comme ça. Et ça se déplace avec l'air. Avec l'air, et du coup, comme je t'entends mal, C'est dingue ça quand même. Mais parce que je suis dans mon histoire là. Et après, tu m'entends ou pas? Comme je courais à toute vitesse pour échapper aux feux follets, ça les activait encore plus intensément. Et là, tu es tombé dans un tourbillon enflammé. Non. Et voilà, donc c'est Harry terrible. Mais imagine-toi à 4h du matin dans un cimetière, ça qui sort des tombes, j'ai eu la peur de ma vie. Ouais, avec quelle horreur. Voilà. C'est genre Casper enflammé quoi. C'est ça. Voilà, donc mon histoire est terminée. Mais ça est terminée. Non, mais moi j'en ai une autre encore de position sur ma belle-mère. Bon, attends. Oh la famille d'enculé. Attends deux secondes, il y a tous les soirs à 5h du matin, elle suçait mon nom. Il y a Eric qui a envoyé un message qui dit moi l'année dernière, j'étais en internat et on a regardé Paranormal Activity, a pris le couvre-feu en fraude donc hein, et quand le film était fini, on a tous été se coucher flippés, deux minutes après la porte de la chambre s'ouvre et claque contre le mur, on a mis une heure à se lever pour aller la refermer, on a eu la peur de notre vie. Ah il est voilà, on fait film. Les trucs. Avant, j'ai jamais vu moi. Ah, il est mais nullissime. Ah ouais. Il paraît qu'il est nul à chier. Ouais. Chier. Moi je me suis fait chier aussi hein. Perso j'ai pas eu peur une seconde. Mais on l'avait vu ensemble. Mais par contre en revanche Blair Witch j'ai eu très peur. Oui Le premier. Ah bah, le premier projet Blair Witch. C'était extraordinaire. Mais ça, c'était, mais on est ça, d'accord c'était que ouf. Ça, il fait flipper, on Et est la d'accord. Toute fin qu'on va pas dire ici, mais il y a pas une image qui est dingue. Mais oui, il fait flipper mais ça. Mais parce que c'était tout nouveau la manière dont il filmait avec la caméra. Pourquoi Paranormal Activity, ça fait un buzz de parce ouf. Parce que c'est ridicule, mais c'est nul. Il y a une scène qui fait peur, t'es surprise parce que d'un coup, ça fait bam. Et t'attends tellement le moment où ça va faire peur que t'es surprise par cette image. Mais sinon, ça fait chier. Il faut regarder L'Exorcisme d'Emily Rose. Bah, je me fais chier aussi, ouais, dans les films d'horreur. Non, enfin, je suis pas fan, hein. Si, moi, il y a un film, mais c'est un film d'horreur angoisse français que j'ai vu avec Cécile de France, il y a une belge. Et il ah est oui, oufissime. C'est Haute Tension. Haute Tension, avec Maïwenn. C'est qui m'a raconté ce film? Et Cécile de France, il faut le voir absolument. C'est le film qui m'a peut-être le plus foutu mal à l'aise. En plus, j'aimerais bien, Michael, ah ouais. Parce qu'en BO, c'est Muse. Ah, et fort. C'est Sunburn. Ouais, mais il est bon en plus Sunburn. Et franchement, le film est fou. Il est, il c'est est pas long. C'est pas toi qui m'as raconté ça. Il est court le film et c'est ouf. En gros, c'est genre Cécile de France, Maïwenn, elles sont copines. Elles vont bosser leur cours chez en les Belge, parents de Maïwenn. En Belgique en plus. Je sais pas. Non, je si. C'est possible. Ah non, on croit dans un village. Et en fait, non, mais la première scène du film, faut dire, la première scène du film, c'est lunaire. Hein. Tu vois un mec qui est comme ça dans une vieille fourgonnette, un vieux gros porc dégueulasse, et il a comme ça. Et genre avec la tête d'une femme. Il se fait sucer, ouais. Et il se fait sucer, genre. Il est comme ça avec. Il tient la tête, les cheveux, quoi. Il fait comme ça. Il fait. Oh, oh. Il y a que la tête. Et d'un coup, il fait ça. Il sort et il y a que la tête. Il y a que la tête. Oh, et il lâche. Oh, il se fait sucer par une Oh là là là là là là. Et le film démarre là-dessus, ça fait. Mais c'est une trop bonne idée en Et d'un coup, ça. Ça mais je crois ça que tu me l'as raconté, ça faisait trop peur ce truc. Et ça fait super peur. Après, ça part sur Maïwenn et Cécile de France en voiture. Elles sont là, elles chantent et tout. Ouais, la la la la la. Ça peut être très très fort. Et ça démarre après sur un truc genre guiré entre copines et le truc part en couille, mais grave. Moi, j'aime pas les films français. Non, moi non plus. Même les films étrangers, les films d'horreur, ça me fait pas. Enfin, je trouve ça pas terrible. Il y a Scream 4 quoi. Qui sort là. Ouais, mais ça, c'est un film, c'est une comédie, ça. C'est pas ouais, d'horreur, c'est une comédie, ouais. Plus que ça. Bon, on parle dans un petit instant avec. Je sais pas si c'est le père ou bref, quelqu'un que le Corse connaît qui a une histoire vraie. Donc, on va en parler dans un instant. Il y a Marion aussi qui avait raconté sa petite histoire par mail. Je vais le donner. Je vais le lire, le mail, dans quelques instants. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on s'écoute maintenant le son de Cher avec DJ Goddess Falling in Love. Et puis, on reviendra juste après, évidemment, encore à la suite donc de cette soirée spéciale 1er novembre Halloween. Le son de Cher à l'instant avec Pitbull, c'était DJ Goddess Falling in Love sur Goom Radio, 20h-23h tous les soirs avec vos messages que vous pouvez balancer bien évidemment. Et le mail de Marion que j'ai reçu quelques jours là qui disait par rapport aux légendes urbaines, deux jeunes personnes nouvellement mariées achètent leur première maison à un prix très abordable dans un petit quartier du Maine, donc aux États-Unis. Déjà il faut vouloir. Hein, ouais, faut y aller. Hein. Ils aménagent alors dans leur nouvelle demeure quelques jours plus tard. Le soleil se coucha et les deux nouveau tourtereau aussi. Mais pendant la nuit, vers 2h du matin, la jeune femme se fait réveiller par des pleurs de bébé. Mais elle n'y tient pas compte. Enfin, elle n'en tient pas compte plutôt. Ouais. Car elle se dit qu'elle est très fatiguée à cause du déménagement. Mais son mari l'entendit aussi et se rendormit très vite. Toutes les nuits, le jeune couple se faisait réveiller par ces horribles pleurs de bébé, jusqu'au jour où le couple décida de démolir les murs de leur chambre. Ils y découvrirent le cadavre d'un bébé mort depuis presque 5 ans. Mais non. Mais quelle horreur. Dégueulasse. Ça peut arriver, hein. Dégueulasse. Un accident comme ça et tu retrouves un bébé dans un mur. Bah enfin. Ça fait penser à Hypnose. À le film Hypnose où la meuf elle persécute avec Kevin Bacon. Ouais, Kevin Bacon. Et elle est enfermée pareil dans la cloison là, en mode cellophane et tout. Oh, quelle horreur. En mode cellophane. Ça c'est digne de Saw, le film Saw là. Ouais ouais. Allez, ça c'est bien les films Saw. Ouais non, je peux plus moi. Le premier était bien, le deuxième faut arrêter les conneries. Le troisième, ils ont fumé le dernier là avec un truc mais horrible. Mais rien que pour imaginer ça, faut être complètement jobard. Ah, ouais. Le début du dernier là qui est sorti, je crois que c'est le dernier. Saucisse, ouais, déjà, t'as compris. Naki, ouais. T'as compris que c'était une boucherie. La première scène, c'est une meuf et un mec qui sont enfermés dans deux cages en face l'un de l'autre. Ils ont des trucs sur la tête, des espèces de pièges à loup, de casques sur le crâne en fait, ouais, des pièges à loup avec des vis. Et le mec, il y a personne qui sonne dans cette histoire, le Corse. Et le mec, il leur dit, la voix leur dit, le premier qui arrive à se défaire parce qu'ils sont, dans je sais pas quoi là, ils ont les pieds enfermés. Le premier qui arrive à sortir du piège, il gagne. Et l'autre, il y a deux vis qui vont lui rentrer dans le crâne et qui vont lui briser le crâne, quoi. Ah, c'est sympa. Mais pour gagner, donc, il faut que tu mettes le plus de graisse possible. dans une balance. Ah, tu te rappelles de ça? Je me rappelle de ça. Et donc, le mec, gros. Non, mais attends, et en face, le mec, la meuf, elle est svelte et tout. Et en face, le mec, c'est un espèce de gros porc. Il commence à se couper, le ventre. Des bouts de ventre et tout. Et là, tu vois la meuf qui prend une machette et qui fait. Elle se coupe un bras, s'il te plaît. Elle se coupe un bras et du coup, c'est elle qui arrive à remporter le truc parce que. Ouais, et la scène, limite, on dirait une vanne parce que tu te rappelles le gros quand il regarde la meuf, il est comme ça. Il est tout content et elle fait. Elle pose le truc et t'as une petite seconde où il y a plus de bruit et le mec il fait comme ça et il voit que la balance s'inverse en fait et que c'est la meuf qui a fait le gros et t'as, et après il y a le crâne qui est complètement crâne. Il crie et les vis rentrent. Tu l'as pour imaginer ça faut être malade. Mais tu crois que les réalisateurs c'est un psychopathe à la base? C'est toi qui... Le réalisateur, bon, je pense qu'il doit avoir un, c'est comme le mec qui a fait Lost, il doit avoir un problème psychologique, hein. Non, mais généralement, après, même, c'est les acteurs, dans Exorciste, le premier, la première version, là. Il y a eu une addiction sur l'exorciste. Ouais, hein. Elle était folle et tout, il y a eu je sais pas combien de morts sur le tournage. Que des morts, ouais, les mecs, les ingénieurs, les lumières plateau, nana et tout, il y a eu genre, il y a un poste, je sais plus si c'est les lumières ou cadreurs ou quoi, le mec, il a été remplacé 4 fois pendant le tournage. Parce que 4 mecs sont morts, quoi. C'est ouf, hein. Puis même l'actrice, elle a été traumatisée. Non, elle a mis un an ou deux à s'en remettre un petit peu, mais elle a toujours été traumatisée. Elle voulait plus tourner. Tu m'étonnes. Ah ouais, mais comme sur le tournage d'Amityville aussi. Amityville, en revanche, c'est tous les acteurs qui sont morts, mais les uns après les autres. Genre, ils ont pas dépassé 25 ans tous. Tous ceux qui jouaient le rôle des gosses et tout dans le premier, la première version d'Amityville, ils sont dans tous la maison, morts là. Dans des circonstances hyper chelou, quoi. Ah, ouais, mais ça m'étonne pas du tout, hein. Mais Sceaux, c'est vraiment, vraiment effrayant, quoi. Ouais, sauf quand parce ont, que tu te dis que ça peut exister. Quand ils sont arrivés à Sceaux 6, c'était naze. Ah oui, mais non, mais Sceaux 6. Je te dis, mais après le deuxième. Rien que pour le nom, là. Non, mais deuxième, troisième, c'était le scénario. Bon, attendez, oui. Bon, on a Hubert qui est avec nous maintenant. Allô, Hubert. Bonjour, Hubert. Bonjour, Romeo. Comment ça va? Non, mais c'est le Corse qui a sauté sur le standard parce qu'il avait oublié de te mettre en ligne. Alors, forcément, il était perturbé. Ah oui, ça m'avait oublié, quoi. Bon, ben non, Hubert. Bon, Hubert. Est-ce qu'il paraît que tu as une histoire vraie à nous raconter? Oui. C'est l'histoire de deux fantômes qui se rencontrent dans les ténèbres. Ouais. Il y en a un d'eux qui se lamente et qui dit: oh, c'est dur que d'être un fantôme. Parfois, on se sent pas bien dans son drap, mais. Oh. J'ai peur. Tiens, qui c'est qui parle? C'est moi, le fantôme. Moi aussi, je suis un fantôme, mais je te vois pas. Et c'est normal, je me suis mis à l'arc invisible. Quel fantôme tu es, toi? Moi, je suis le fantôme du château Mat. Moi, non, moi, je suis le fantôme du château Briand. Quand j'étais vivant, j'étais le comte à rebours. Aussi, mais moi, j'étais le comte. En fait, tu mets que des vannes. Quand je suis mouru, mes amis ont dit, cette fois, le comte est bon. À moi, non, les miens, ils ont dit, maintenant, il a son compte en banque. Dites-moi. Mais c'est une histoire drôle, en fait, c'est pas une histoire qui fait peur, Hubert. Hubert, il s'est dit, il est tout seul. Yeah. Et tiens, qu'est-ce que vous avez passé par la tête? Une balle. Oh merde, Hubert, il a fumé. Il a fumé de la ganja. Moi, j'ai trouvé d'amour pour une femme, elle m'a refroidi. Alors c'est une meurtrière. Non, c'est une salope. Elle a mis le disque Les démons de minuit. Ouais, et elle a dit que la musique adoucit les mœurs. T'es bourré, Hubert. C'est très dur, hein, c'est très Hubert, faut arrêter la mire, ça. On te rappelle le matin, parce que le soir, t'es bourrasse. Bien sûr, comme tous les fantômes. Et où que vous êtes affilié, eh ben je suis à l'AFF PDF. Quoi ça veut dire? Fantôme fantoche plein de feintes. Vous... Très dur. Moi, c'est très dur, Hubert. Hubert, je crois merde. Qu'il nous raconte une histoire, hein. Et quoi non, ça veut dire? Fantôme midi. Vous, alors vous faites souvent des grèves. Bien sûr, pour n'importe quoi. Et le corps qui est trop. C'est bien quand tout le monde agite son linceul. Vous êtes un illettriste mal éducationné, hein. Et pourquoi vous prie-je? Eh bien, quand il y a plusieurs linceuls, on dit des lentoli. C'est très très dites-moi, vous êtes quoi, c'est moi, c'est plus possible, Hubert. Moi, j'étais dans le château hanté. Ah, mais tu y es resté, hein. Dans le château en U. Ouais, hanté, en U. J'ai fait des montages barbariques, hein. Ouais, non, ouais, mais ouais, j'étais quand même en maths sup inférieure. Ouais. Il est énorme, Hubert. Hubert, t'es trop drôle, mais t'as un humour de 1900. Non, vas-y, continue. De 1901. Hein? Vas-y, vas-y. Bon, j'en étais maintenant. T'étais au château. Non, non, le château en T ou en U. Hubert, il y a Émilie qui te connaît. Hein. Bon, moi, j'étais à côté dans le château en U. Vous n'avez pas fait le grand des études fantasmagoriques, hein. Mais non, mais j'étais quand même en mode sup inférieur. Ah oui, tu l'as fait celle-là déjà en mode sup inférieur. Et vous, moi j'étais en polyclinique. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis portier. Quand les gens tapent à la porte du château, je dis hanté, hanté. Faut y aller maintenant. Oh merde, on avait un mouchio sur la lune. Attends, on a eu beurre dans le chez Miguel. Vous avez l'autre président à la télévision. Ça aurait dû mieux de prendre la brosse facile. Il y a des bêtises à vous faire défiler les jambes sur la tête. Vous avez vu le film allemand de Frankenstein? C'est que j'ai complètement zappé le bras. Frankenstein, oui. Où je suis là. Mais tu sais qu'Hubert, c'est le Pierre des Proches de la Corse. Ouais. Il est hyper connu en Corse. Et le dernier film, Retico. Je rigole pas, c'est pas une vanne que je fais. C'est pour ça que je l'ai reconnu. Il nous entend pas, donc on peut continuer. Quand on met les chrysanthèmes, l'héroïne Marie-Juna dit à son père. Hubert, t'as lancé une cassette, Hubert. En fait. Hubert. Oui. Hubert, oh. C'est encore long ou pas? C'est fini. Ah, c'est bon, alors, vas-y, très bien. Bravo, Hubert. Je connais que celle-là, les fantômes. Ah, mais elle est bien. Elle est bien, celle-là. Non, mais elle est bien, déjà. Non, mais heureusement que t'en connais pas d'autres, parce que ça aurait foutu celle-ci au placard, c'est dommage. Ouais. Non, vraiment, celle-là, en plus, elle est au top du top, hein. Bon, Hubert, alors. Je sais pas, moi. Bon, ça non, va. Non, mais elle est bien. Je vais tenter une vanne à la Hubert, excusez-moi, je l'attends, parce que vas-y, il a donné vas-y. Un petit cours. C'est la Sainte bon. Hubert, voilà. Ah ouais, c'est la Sainte Hubert, ouais. Ouais. Ouais, c'était pas grave. J'essaie, ouais. Ouais, bah, t'as essayé. Bah, hein, je sais pas, hein, mais c'est bien, c'est, bah, bien, ouais. C'est bien d'essayer, hein. Bon, c'est... je sais pas, parce que des fantômes, je connais que ça. Moi, je connais des histoires en pagaille, hein. Mais j'ai eu peur, Hubert, hein. De quoi? De ton histoire. Et non, c'est une histoire drôle. Avec mon drap, quand je mets le drap. Non, mais on préfère pas voir, hein. Il est mignon. On préfère pas voir. Bon, ben merci Hubert pour ce florilège de vannes. Bon, de rien. Écoute, avec plaisir. Hein. Moi, je suis très. Ah bah tant mieux. Content, hein. Bon, voilà. Écoute, tu reviens quand merci, tu veux, Hubert. Alors, d'accord. Voilà. Salut. Ciao Hubert. Allez. Vous embrasse et courage, hein. Allez, merci Hubert. Merci Hubert. Eh bien, à bientôt, hein. À bientôt. Ciao Hubert. Allez, ciao Hubert. Ah mais vous faites des vannes, c'est mais c'est très dur, hein. Non mais ce monsieur est je vous jure. Non mais Anne Roumanoff aussi elle est connue, tu vois après. Non mais c'est parce qu'il fait des trucs hyper drôles. Là, il était pas au top de sa forme, mais moi il peut tellement me faire rire sur des chansons, il a fait plein de chansons, je vais vous montrer hors antenne. Ouais, bah mais, alors. Hein. Mais drôle, mais enfin. Non mais oui, on sentait qu'il avait une bonne patte. Non mais attends. Mais il est âgé quoi. Non mais ce qu'il faut dire c'est que Hubert a fait, je veux dire, l'humoriste qui a eu Corse, seul Corse humoriste à avoir fait l'Olympia. Ah, énorme. Avoir fait, mais ça n'existe pas tout, hein. Il y a des gens qui font le Zénith et c'est de la merde. Non, oui, mais sûr. Là, il se fait hacher, donc, voilà, mais ça, Hubert, tu sens qu'il a le bagou, le mec, hein. 72 ans, hein. Mais oui, il a le bagou. Bah, quand je même. Dis, il est bon. Vieux maintenant. Quand même. Ah, c'est là, c'est bon, la photo d'Hubert. On a la photo d'Hubert. Tu veux voir, Mika? Très bien. Hubert, donc on l'a trouvé sur Facebook. Enfin, sur Facebook, sur. Oh, j'imaginais beaucoup plus vieux. Sur YouTube. Bon, allez, suite dans quelques instants de cette soirée. De l'étrange du 1er novembre. On va s'écouter le son de Peter Lutz maintenant avec The Rain. Et puis on revient juste après. Le son de Peter Lutz à l'instant avec The Rain sur Goom Radio. C'est bientôt terminé. Enfin, bientôt, il reste encore une bonne demi-heure quand même. Il y a le Corsica Show qui va arriver aussi spécial 1er novembre. Mmh. Vas-y, te fais peur le Corsica Show. Oh. Y a que Hubert dedans. On n'est pas à l'abri. Oh, ça va être violent alors. Hein. Voilà, donc Corsica Show, ce sera tout à l'heure. On aura un petit son de la CAF. Je suis pas à l'abri de mettre un Muse avec Sunburn. Tiens, ça m'a donné envie tout à l'heure, Pierre, quand t'en as parlé. Ouais, c'est bon ça. Je suis pas à l'abri. Je vais réfléchir, mais je suis pas à l'abri. Bon, on va faire aussi l'appel coquin spécial Halloween. Spécial Halloween, ouais. Spécial Halloween. On va faire ça. Bon, on va faire ça maintenant, hein. Hein. Bah allons-y, soyons fous, c'est parti. Hein. Ne perdons pas de temps. Et qui veut faire la légende urbaine après? Moi, c'est Emily. Ouais. Moi j'en ai une. Et j'ai même un test aussi. Alors, je veux bien que tu la fasses, mais uniquement si tu vas, droit à l'essentiel. Directement à l'essentiel, ouais. Moi, bien j'ai sûr. Une histoire bien. Qui fait peur, une légende urbaine, et j'ai un test pour savoir qui d'entre nous a un esprit de serial killer. Moi, je veux faire serial killer. Bon, on fait ça dans un instant. D'abord, l'appel coquin maintenant spécial Halloween. Voilà l'appel coquin spécial Halloween à l'instant sur Goom Radio. Et puis si vous avez des idées d'ailleurs pour les appels coquins ou pour les journées internationales 2, n'hésitez pas à balancer vos messages sur mikl@goomradio.com. Bon allez, avant d'avoir l'histoire du Corse, faisons maintenant l'histoire, enfin le test là pour le savoir test, quel serial killer on est. Et on a Hippolyte, c'est non. ça hein il faut li... Non, on entend mal le Corse. Pauline en a. Ah, c'est Pauline, d'accord. Oui. Okay. Je prie ceux qui connaissent l'histoire de ne pas donner la réponse. Non, en fait, c'est une petite histoire. Et si. Ah, on fait pas d'abord le test. Vous avez une. Si, non, c'est une histoire le test. Si vous avez une certaine réponse à la question que je vais poser, ça veut dire que vous avez un esprit de serial killer. Ah, mais d'accord. De détraqué, bon, qu'à alors, tout vas-y, moment. Il y a un chien dans ton histoire ? Non. Alors, je la connais pas. Bon. C'est une jeune fille qui perd sa maman. Donc ils enterrent sa maman et au cimetière, elle est hyper triste et tout forcément, et elle croise dans la foule des gens qui sont venus pour pleurer sa mère un mec qu'elle avait jamais vu de sa vie, mais nulle part. Et là, elle le trouve sublime, c'est-à-dire qu'elle a un coup de foudre pour ce mec. Non mais arrête, d'accord. Mais d'un coup, limite, elle pense plus à sa mère, quoi. Elle regarde que le mec et tout. Elle tombe folle amoureuse. Ils se croisent du regard et ils s'en vont. D'accord. Deux semaines après. La jeune fille tue sa sœur. Pourquoi ? Parce qu'elle croit qu'elle c'est elle qui a tué sa mère. Il y a un rapport avec le mec, hein ? Non, donc tu n'es pas un serial killer dans ta tête, c'est bien. Il y a un rapport avec le mec ? Attends, ne le dis pas, toi. Il y a un rapport avec le mec ? Il faut donner une réponse. Ouais, Pourquoi elle tue sa sœur ? Ah, parce qu'elle sortait avec le beau mec qu'elle a rencontré à son mariage. Non, tu n'es pas un serial killer, Pierre. Ah, si on a la bonne réponse, on est un serial killer. Ouais, si t'as. Si t'as une certaine réponse, c'est que. T'as un esprit de détraqué, quoi. D'accord. Cécile ? Attends, je réfléchis. Le Corse ? Non, ton micro. Il couche avec sa sœur. Non, tu n'es pas un serial killer, le Corse. Pourtant, j'aurais cru, hein. Je sais pas. Elle a rencontré dans d'autres endroits ? Ou c'est sa sœur qui a tué sa mère ? On ne peut pas poser de questions. Ah, on peut pas poser de questions. À donner. Pourquoi elle tue sa sœur ? Moi, je sais qu'il y a un rapport avec le mec, mais après, je sais pas. Sa sœur, elle a tué la mère. Sa sœur ? Elle a tué sa mère. Bon, Mika. Pour voir le mec ? Non, elle a tout simplement. Oh mon dieu, sortez tous en courant ! Elle a tout simplement, voilà, pour revoir le mec à l'enterrement de sa sœur, parce que c'est un ami de la famille. Pour qu'il y ait un autre enterrement et pour revoir le mec. Ah oui, mais non, pour mais voir le mec, j'ai pas dit à l'enterrement. Il faut être perché pour dire ça. Eh ben, il y en a, ils ont fait ce test aux États-Unis sur justement plein de serial killers qui étaient en prison. Et tous les gens qui avaient tué. Qui était récidiviste, ils ont eu la réponse à cette question. Non, mais il faut être Pour revoir le garçon à l'enterrement. Non, mais ils ont des problèmes psycho là-dedans. Non, mais c'est quand même. Non, mais déjà, dans cette histoire, rien à voir avec psychopathe ou pas. Pourquoi dans ton histoire tu parlerais de ce mec pendant l'enterrement? Parce que justement, c'est une histoire qui a ni queue ni tête, qui est complètement. Oui, mais tu penses tout de suite un rapport avec le mec. Non, mais tu te dis qu'il y a un rapport, mais tu te dis, l'esprit logique, il dit normalement. Emily, fais gaffe, c'est une série, elle qui l'a. Mais non, l'esprit normalement, il dit, voilà, comme a dit Pierre, moi, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que tout le monde répond. Ouais, sa sœur a couché avec le mec. Ça, forcément que tu penses au mec parce qu'il y a que ça dans l'histoire. Mais justement, tous les gens qui ont récidivé, ils ont pensé pour revoir le mec à l'enterrement de sa sœur. Il faut être quand même hyper tordu, quoi. Ouais, il faut voir un problème psychologique. Ouais. Effectivement, je te confirme. Ouais. C'est bizarre ça quand même. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a là, il y en a deux qui ont sorti le truc là. Ouais. Non, mais Mika, il l'avait dès le début en fait. En plus, il avait la réponse. Ah, tu connaissais l'histoire, Mika? Mais quand on te l'a posé, t'as dit la même chose. Ouais, j'ai trouvé ça, ouais. Mais vous avez des problèmes, hein. On a toujours su qu'il y avait un grain, toi. Mais j'ai trouvé ça direct. Comment elle me regarde, là, d'un coup, t'inquiète. Parce que c'est ce que je ferais naturellement, moi. Je pourrais buter Pierre pour voir une meuf que j'ai vue à l'enterrement d'un autre pote, par exemple. Mais je vais pas vous cacher un truc. Mais moi, il y a une période de ma vie où j'avais. Non, mais dans le micro. Donc là, je me décale vers toi. Non, il y a une période de ma vie où. Dès que je rentrais dans une pièce, j'avais besoin de cacher des couteaux, parce que j'avais peur de péter un câble et de tuer quelqu'un. Voilà. Ah donc tu cachais. Et aujourd'hui c'est la même chose. Bah commence par le Corse. Ouais. C'est pas vrai, je suis complètement. Non, c'est vrai que j'ai un petit problème psychologique, mais j'espère que ça va passer avec l'âge. Ah ouais, bah j'espère pour toi aussi, hein. Ouais, c'est très bien. Bon, sinon, un autre, c'est vrai que j'ai un petit problème psychologique, ouais, mais j'espère que ça va passer avec l'âge. Ça va aller. Est-ce qu'on peut la tuer une bonne fois ou c'est pas possible? Je peux recharger ou pas? Non, bah attends un petit peu d'abord. Il y a Mohamed aussi qui avait envoyé un mail quand on en avait parlé là des légendes urbaines. Alors, une très vieille dame restant seule dans une grande maison écartée de la ville attend son garçon qui doit lui rendre visite et qui n'est toujours pas arrivé. Elle est assise dans une chaise berçante. Elle lit un livre tout en caressant son chien. Après quelques instants, elle entend un bruit venant de la cuisine. C'est le robinet de la cuisine qui coule goutte par goutte. Clac. Elle se lève, puis Clac. Va le fermer et revient Clac. Ensuite, s'installe à nouveau, reprend son livre et recommence à caresser son chien. Soudain, le bruit recommence. Mais cette fois-ci, il ne provient pas de la cuisine, mais de la chambre de la chambre de bain du premier étage. C'est fou, mais quand tu découvres le texte en même temps que tu le racontes, ça fait moins peur. Bah oui, mais bon, c'est normal, en même temps, c'est parce qu'il y a des fautes là. Elle se relève donc, se rend jusqu'à la chambre de bain, puis ferme le robinet qui coulait à un rythme plus rapide que la première fois. Encore une fois, elle retourne s'asseoir, puis continue à lire son livre, tout en caressant son chien, mais quelques instants plus tard, elle entend ce bruit. L'eau qui coule à goutte par goutte à un rythme endiablé. Le corse, je crois que je peux te frapper là. Elle passe donc devant la cuisine. Rien, le robinet ne coule pas. Les toilettes du premier étage, toujours rien. Elle monte donc au second étage, puis une grande maison la vieille, hein. Puis se rend à la salle de bain. Le robinet coule, elle le ferme donc, mais constate que le bruit persiste et qu'il est tout proche. Le corse. Ça le fait rire, mais c'est pas drôle, faut que t'arrêtes, c'est lourd en fait. Elle remarque que le rideau de douche est tiré. Elle s'approche, tire d'un coup sec le rideau et à sa grande surprise, elle aperçoit son chien égorgé qui saigne goutte par goutte dans le bain. Oh, la question persiste toujours, qu'est-ce qu'elle pouvait bien caresser? Parce qu'elle n'a pas pu caresser son chien. Elle se caressait tout seul. Bah, je sais ce que Pierre va dire, mais j'aimerais bien qu'il la sorte maintenant. Elle se caressait la chatte, non? Mais non, c'était une grand-mère. Et bah ouais, bah sa grosse chatte. J'ai encore une histoire qui fait peur après moi. Eh bah dans un instant, l'histoire qui fait peur. Et puis après, on va finir par le truc qui fait le plus peur. Le Corsica Show tout à l'heure. Ça fait flipper. On est obligé de le faire ce soir. Ah bah oui, attends, tous les soirs, c'est normal. Mais non, mais il va nous faire très peur là, je sens. Mais non, mais ça va bien se passer normalement. Émilie, tu dors chez moi? Ah, mais lâche-moi, tu me fais trop flipper les serial killers. Je viens si tu veux, je suis. Les deux serial killers ensemble là, ça va être bien ça. À la Dexter. Ouais. C'est moi qui monte de chez lui. Non, c'est moi. En parlant de Dexter, on l'avait raconté ou pas cette histoire comme quoi un jeune homme a tué son frère parce qu'il regardait Dexter. On l'a déjà fait. On fait une petite pause là, on aura Pauline dans quelques instants et on va écouter Soprano maintenant, le son de Hiro pour ce spécial 1er novembre. Le son de Soprano à l'instant. C'était Hiro sur Gaume Radio tous les soirs entre 20h et 23h. On est là avec vous le 1er novembre également. Spécial Jour des Morts. Ah bah ouais. Spécial Jour des Morts ce soir. Avec les histoires les plus tordues qu'on a reçues par mail depuis quelques jours. Et avec Pauline qui est avec nous maintenant. Bonsoir Pauline. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Il y a quelqu'un derrière toi ou pas? Peur. On n'entend pas ton téléphone. Bah si, on l'entend trop justement le téléphone. Là c'est bon. Ouais, ça va, ouais. Bon, Pauline, t'as quel âge et dans quelle ville? Alors j'ai 20 ans et je suis astreinte en Seine-Maritime. D'accord, ok, très bien. Pauline, est-ce que toi tu as des petites histoires éventuellement qui t'ont peut-être arrivé, qui t'ont foutu les boules ou alors peut-être des histoires, des légendes urbaines? Oui, il m'est arrivé quelque chose donc au mois de juin. Dis-nous. Alors en fait donc je suis en BTS tourisme et donc je suis en internat et on a eu en fait à 20 piges. Oui. Ah bah dis donc. Je suis en BTS. Ouais, ouais, BTS c'est à 19-20 ans. Non mais en internat à 20 piges. Voilà. C'est génial. Et, si tu peux pas te loger, c'est cool. J'ai une permission de rester en internat donc avec une amie à moi parce qu'on était en période de stage. Mm-hmm. Et donc on était que toutes les deux à l'internat et un soir on est rentré donc on était que toutes les deux. Ouais. Et retrouvés dans notre chambre et là on a entendu du bruit donc un rideau qui se fermait et les bruits des rideaux à l'internat enfin c'est bien caractéristique quoi c'est fort quand on les ferme. D'accord. Donc, pourquoi c'est parce que c'est des vieux modèles dégueulasses. Ouais voilà. D'accord, ok, ouais. Et donc on a entendu fermer les rideaux et on s'est dit non c'est quelqu'un donc on est allé vérifier. Ouais. Donc on a été voir partout et on est allé dans la salle de bain. En fait, les rideaux ils étaient fermés. On a fouillé dans toutes les douches et tout ça. Il y avait une douche qui était fermée à clé. Et en fait, on peut la fermer que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Ah ouais. Ah. Donc du coup, là, on a commencé à flipper toutes les deux et on était toutes seules. Il y avait personne autour. Il y avait personne dans le lycée. On était que toutes les deux. Donc là, on a eu vraiment très très peur. Tu m'étonnes. Et donc on est allé voir en fait un peu plus loin. Il y avait les habitations des CPE et tout ça. Mmh. Donc on a trouvé une CPE et donc on lui a expliqué tout ça, on était morte de trouille. On est allé voir et en fait il y avait personne dans la douche et on comprend pas pourquoi c'était fermé. Putain. Ah donc enfin... tu sais toujours pas pourquoi il y a eu ça ou... Ah non, on sait toujours pas. Oh putain. Attends, donc, ouais. Voilà. Putain, et le truc tu peux fermer vraiment que de dedans. Que de l'intérieur. Oh. Et c'était vraiment la seule douche qui était fermée. Donc on sait toujours pas pourquoi c'était fermé. On a demandé après aux femmes de ménage du lycée mais apparemment non. Donc on sait pas pourquoi. Quelle violence. Ce qui est bizarre aussi, c'est que ouais, tu sais pas quoi. Bah, en fait, le pire, je crois que c'est ça. Le pire dans les histoires comme ça, là, de chelou, où il y a des espèces de trucs qui se passent comme ça, c'est quand tu sais pas. Parce qu'à la fin, quand tu sais, et que tu dis ouais non mais en fait c'était un tel qui l'avait fermé mais on a eu peur pendant 2 heures. Mais le pire c'est de pas savoir parce que du coup t'es en mode flip quoi. Ouais, voilà, on ne sait toujours pas. Non mais surtout ce qui fait flipper c'est la nuit, tout est multiplié par 4, par 5, par 6. Le bruit que tu vas entendre par exemple de ton frigo l'après-midi, ça va te passer complètement inaperçu. Mais le soir, parce qu'il y a aucun bruit, donc non mais même quelquefois moi je suis seule chez moi la journée et il y a par exemple mon frigo qui se met en marche, ça fait un bruit. Mais le soir ça me fait le même bruit, mais je suis pas bien quoi, je suis comme ça face au frigo, à tout moment il sort un truc. Le pire c'est quand par accident, et Dieu sait que ça arrive souvent quand t'es au Portugal, dans le village où je suis, c'est coupure électrique, quoi, tu vois. Oh là là. T'es là, ouais. Et puis, tu regardes la télé le soir, et pouh, tout est éteint. Ça, c'est horrible. Non, mais si t'es seul, ça doit être horrible. Non, mais quand tu regardes dehors et que tu vois qu'effectivement, là, tout est éteint, bon, c'est pas grave. Mais quand ça t'arrive que chez toi, tu dis, bon. Ouais, tu te dis, je vais comme dans un film à la machine, enfin, à la boîte à fusils pour essayer de le rallumer, ou j'attends que ça revienne, on va voir. Mais attends, ça doit faire flipper, hein. C'est Pauline, ton prénom, ouais. Ouais, Pauline. Ça doit faire flipper, Pauline, seule dans l'internat, juste avec ta copine. Bon. Ah oui, on a eu très peur. Y'avait pas de prof ni rien? Bah, on nous avait en fait raconté une vie, comme quoi il y avait une fille qui s'était suicidée il y a 3-4 ans. Ouais. Oh là là. De l'internat, donc enfin. Ouais, du coup tu t'es fait les films comme quoi elle errait, qu'elle était, oh là là, l'angoisse. Ouais, voilà. Donc, pire. Du coup, c'était vraiment l'angoisse. Ouais. Pire qu'elle se soit suicidée dans cette douche. Ah oui. T'as des problèmes avec le suicide, toi, non? Ah non? C'est plus, non, je parle à Mika, c'est plusieurs fois qu'il en parle de suicide, là. Bah ouais, il a un souci, lui. Il a fait plusieurs tentatives. Non, peut-être pas, mais cool, bon, tu sais, il a peut-être tenté de suicider quelqu'un. Hein, ouais. Il est communément un meurtre. Je voulais buter une ex, en fait. Ah, bah d'accord, ok, très bien. Ouais. Mais je vais le refaire, donc fais gaffe. Mais elle est enterrée où? De quoi? T'as pas vu qu'il a une chambre chez lui, Mika, qu'il ouvre jamais? Avec que des photos de ses ex. Et d'ailleurs, sur les tiennes, il y a 2 croix rouges sur les yeux. Ah merde. Un truc bizarre. Bon, et donc, depuis, t'es arrivé encore d'autres histoires bizarres ou pas, Pauline? Non. Bon, c'est déjà ça. Ouais. C'est déjà pas mal. Si t'en es arrivé bon, qu'une seule d'histoire bizarre. Mais est-ce que depuis, surtout, tu vas te laver dans cette douche? Non. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, ça va alors. Bon, bah, je te fais des gros bisous, Pauline. Merci à toi d'être passée. Merci à bisous. Vous. Bisous, et Pauline. À bientôt. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Moi, j'avais une histoire qui est arrivée. C'est une histoire qui avait fait peur ma copine à l'époque. Mais je sais pas si je l'avais déjà raconté quand, j'avais rêvé que je m'écrase en avion. Non. Enfin, ça m'est déjà arrivé souvent, mais bon. Moi, je le rêve tout le temps. C'est un rêve. C'est pas un cauchemar pour toi. Il y a, ouais, si tu veux, ouais. Non, mais en fait, il y a 3 ans, j'étais parti rejoindre ma copine qui était à Chicago, et j'étais parti avec Polo du Polo Show, justement. Donc elle était à Chicago et après on prenait l'avion de Chicago jusqu'à New York, donc un vol intérieur quoi. Et en fait, un mois et demi avant de prendre l'avion, j'ai rêvé que dans ce vol, on s'écrasait. Le vol interne. Le vol qui faisait Chicago vers New York. Ouais, d'accord. J'ai rêvé que voilà, qu'on s'écrasait. Destination quoi. Finale. Voilà, donc je me suis dit, tiens, j'en ai parlé à ma copine, j'avais parlé à Polo, tout le bordel, même Fredo était en panique, alors qu'il prenait pas l'avion, hein, mais bon, il était en panique quand même. Et donc je me dis, ouais, est-ce que je le prends ou pas? J'en avais parlé à l'antenne, ça avait fait un débat truc de ouf. Quoi. Non mais c'est vrai. Et donc tu sais, à un moment j'avais même téléphoné à la compagnie, je me dis tiens, je vais changer la vie, le billet comme ça, voilà. Puis je me suis dit, puis merde, j'ai pas tout changé juste parce que j'ai fait un rêve, ouais. Ça veut rien dire quoi. Et donc on arrive jusque là, bon voilà, c'est un bête rêve, jusqu'au moment où on arrive à l'aéroport. J'avais réservé des billets d'avion pour ma copine, pour Polo, tout le monde était en même temps. Ouais. Et on arrive, et donc je prends, tu sais, à un moment t'arrives, tu fais le check, tu sais, pour voir si dans ton sac t'as pas des trucs, la douane, ouais, le truc. Ouais, l'espèce de enfin, douane, pas la douane, là, mais ouais, ouais. Truc de contrôle quoi. Et donc à un moment on arrive, et donc t'as un long couloir, tu vas à gauche pour la porte, j'en sais rien, de 1 à 15, et tu vas à droite pour de 16 à 30 par exemple. Et donc à un moment on arrive, et donc j'allais à gauche quoi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que Polo allait à gauche aussi. Mais comme ma copine, elle avait le vol, mais de, tu sais, il y en a toutes les demi-heures là-bas. Elle avait le vol d'après. Non. Une demi-heure après, en fait. Et donc, du coup, elle allait à la porte d'embarquement, mais une autre. Oh putain de merde. Et là, oh, tu te dis, gueule. C'est elle ou moi? Non, bah, je savais, moi, j'étais dans l'avion, donc s'il y en a un qui s'écrasait, c'était moi, hein, en l'occurrence, a priori. Et donc. Ah oui, parce que dans ton rêve, elle était pas là, ta copine. Je me souvenais pas c'est qu'elle pas. Était effectivement dedans. Je me souvenais pas de Polo non plus. Je me souvenais juste qu'on s'écrasait, c'est tout. Et donc, du coup, bah, j'y avais rien à faire. On pouvait plus changer les billets, tu vois, tout était déjà enregistré, c'était foutu, quoi. Donc, du coup, elle part, elle était en panique. Attends, donc, moi, j'y vais, moi, j'étais content quand même. Enfin, tu changes ton billet. Et attends, mais c'est pas possible. T'as déjà passé à douane, t'es déjà enregistré, tu peux plus changer de billet, tu peux pas ressortir de l'aéroport, c'est foutu, quoi. Donc, du coup, on y va. Bon, moi, je prends l'avion. Et puis donc une fois que j'ai décollé, bah après elle a plus de nouvelles de moi forcément. Et au moment où elle doit décoller, t'as le pilote qui dit ouais, on a eu un problème machin, donc on aura un petit peu de retard. Mais tu sais, il en dit pas plus quoi. Donc du coup, Chico était en panique quand même aussi. Bon, finalement tout le monde s'en est sorti vivant. Il y a pas eu de problème. Là, on était en panique, ouais. Et pour le coup, ouais, ça met quand même un coup de flip parce que tu dis bon. Et tu sais, même quand toi t'es arrivé sans problème, tu dis bon, ça se trouve j'ai peut-être fait mon rêve, mais c'est peut-être un rêve prémonitoire, mais sans spécialement que je sois moi dedans. Donc du coup, tu t'inquiètes quand même. Tu dis ça se trouve son avion il a pété aussi, quoi, tu vois. Et puis bon, bah, au final, ça s'est bien passé. Mais ça pourrait être un très bon scénario d'un film, ça. Ouais, c'est vrai en plus. Hein, mais non, mais si, il faut que l'avion s'écrase à un moment. Hein. Oui, non, mais la meuf survive, ton histoire... la pienne, tout ça, mais oui. Voilà, qui est non, quand ton même bien. Non, mal au parce que t'es vivant, quoi. Ouais. De quoi? Au contraire, le bon film, ce serait que ce soit elle qui meurt. Genre qu'une fois que t'arrives, t'es trop contente, t'essayes de l'appeler et tout, et elle, il a explosé en voiture. Ou alors, mieux. Et au moins, moi, j'ai arrivé, on se met ensemble. Que t'en sois persuadé pendant un quart d'heure, 20 minutes pendant le film, et qu'après, la PN, voilà. Oui. C'est un film à l'américaine, quoi. Il y avait un dauphin, elle s'accrochait dessus, elle est arrivée jusqu'à destination. Ou alors un film truc de merde à l'américaine. Un film à la sixième sens, en fait. Je vais voir, moi, je fais, bah, genre, le, ah oui, avec le mec qui est vraiment en fait, vivre et tout. Il s'était déjà écrasé, ouais. Et il s'était déjà écrasé. Ouais, quelqu'un l'a fait, c'est M. Night Shyamalan, et c'est le sixième sens. Il est fou, ce film, quand même, hein. Non, mais c'est, ouais, c'est vrai qu'il est mais c'est vrai, quand tu le vois la première fois, tu, t'arrives à la fin, tu dis merde, putain, je me suis fait baiser, mais comme une merde, quoi. Ouais, c'est clair. Je me suis, ouais, mais pour le coup, parce que pour un con, mais t'as été un con. C'est clair. Et pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, c'est parce qu'il est mort depuis le début. Voilà. Voilà, bravo. C'est pour ça qu'il dit, je vois des morts, le petit. Ah ouais? Et pour oui. le coup, mais ça fait longtemps que je l'ai plus vu. C'est Bruce Willis. Ouais. Bruce Willis. Le petit, très bon, il est extraordinaire. Ouais. Et c'est dommage. Le petit est en dépression maintenant. Ouais. Non, mais tu sais pourquoi aussi là, c'est parce qu'il tourne plus. Il tourne plus. Il avait passé il le casting d'Harry aussi. Potter et il a pas été pris alors qu'il était super doué à l'époque. Ouais, ben ça va avec sixième sens à mon avis. C'était je crois pour faire Malfoy. C'était pas pour. Non, c'était pour faire Harry Potter. Ah oui, il a pris de l'oseille. Il a pris assez d'oseille, ouais. Bon, bah très bien. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, on aura le Corsica Show aussi dans quelques instants. Ça aussi, ça va être dur. Et puis encore une dernière histoire avant le Corsica Show. Celle d'Emily. Moi, j'en ai une. Ah oui, j'en ai vas-y, une. Vas-y, alors, vas-y. Ouais. Vas-y. Attends. Alors, attends. Bon, voilà, tant que tu la cherches, on se met la pub et on reviendra juste après. Tu feras juste avant le Corsica Show. Et finalement, on va mettre Muse, mais avec Newborn. Ah, c'est oh, bon putain, ça. Putain, j'adore, je l'ai écouté ce matin. On va mettre Sunburn alors. Oh non, Newborn. Et le pire, c'est je crois qu'en plus, c'est Newborn dans le film Haute Tension. Ah, il me semble aussi, c'était pour ça. C'est exactement. Et c'est bon, Newborn. Allez, Newborn, on fait péter ça juste après la pub. Ne bougez pas de là, c'est la fin de l'émission spéciale 1er novembre. Bouge pas. On fait la pause sac à main. Fredo s'achète du Ralph Lauren pas cher sur eBay. Cher. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Muse, à l'instant, c'était Newborn sur Gomb Radio. Tous les soirs entre 20h et 23h, on est là, dernière ligne droite avec The Corsica Show dans quelques secondes. Et avant ça, donc, l'histoire d'Emily. Allez, la dernière pour ce soir. Allez. C'est l'histoire de Cindy et Jessica. Je veux un bed, le Corse, un truc qui fait musique, et tout. Ouais, la musique, là. Je suis pas là pour déconner. Allez, en mode effet spéciaux, là. Ah, pour une fois, qu'il en avait pas mis, on n'aura pas les sonnettes. Elles sont toutes les deux dans un campus. Ça se passe aux États-Unis. Il est tard, il est 22h, et Cindy s'aperçoit qu'elle a oublié de ramener son livre à la bibliothèque. Ouais. Et elle dit à Jessica, putain, si je ramène pas mon livre ce soir, ils vont me faire payer une majoration, ça va être la galère, je vais devoir payer mon livre et le garder alors que j'en ai pas besoin, est-ce que tu te sens pas de m'accompagner à la bibliothèque? Et là, sa pote, elle lui dit, écoute, non, demain j'ai un examen hyper tôt, faut que je me lève et tout, là j'allais me coucher, je voulais dormir, je suis désolée, je me sens pas, quoi. Bon, écoute, c'est pas grave, je vais y aller. Elle lui dit, bah, éteins la lumière en sortant. Moi, je vais me coucher et quand tu reviens, essaye de pas faire trop de bruit. Donc, Cindy part à la bibliothèque. La bibliothèque. Et sur le chemin, elle croise un pote à elle qui lui dit, alors, ça va et tout, machin, les cours, ça se passe bien. Et toi, elle lui dit, ouais, bah, écoute, là, j'allais aller à la bibliothèque ramener mon livre parce que ça va fermer et que sinon, je vais le payer un bras et tout. Tu te sens pas de m'accompagner et tout. Il lui dit, bah, ouais, tu ramènes quoi comme livre? Elle lui dit, putain, je l'ai oublié dans ma chambre, je suis débile. J'y retourne 2 secondes, je fais vite, parce que ma coloc, elle dort et tout. Attends-moi là, je reviens. Le mec, il lui dit, ok. Donc, elle y va en courant et tout. Elle sait exactement où il est le livre, il était sur son bureau, donc elle ouvre la porte. Juste à la droite, elle prend le livre, elle fait pas de bruit, elle laisse la lumière éteinte. Elle se casse, elle rejoint son pote et tout, ils continuent à discuter. Ils vont à la bibliothèque, ça allait fermer de justesse, mais c'est bon, donc elle peut rendre son livre. Et une fois qu'elle revient devant sa chambre, là, il y a des ambulances, des flics partout. C'est le bordel. Elle arrive, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison et tout? Donc, il y a plein de portes, tu sais, il y a plein de chambres et tout. Donc, elle arrive, elle entre dans son, dans son hall. Elle voit que tout le monde, les flics, les ambulanciers et tout, sont devant sa chambre à elle. Elle arrive et là, elle voit sa coloc morte dans un bain de sang sur son lit. Et sur la vitre en face de son bureau, il y avait marqué avec le sang de son ami. Alors, contente de pas avoir allumé la lumière. Quelle dégueulasserie. Contente de pas avoir allumé la lumière. Eh ouais, parce qu'elle a pas allumé la lumière quand elle est venue chercher le livre. Elle est contente, elle est contente de casser les couilles depuis le début de l'émission là. On n'a pas le temps d'une dernière. Avec Emilio, c'est notre préféré. Bon, c'est une jeune femme qui fait le plein de sa voiture dans une station-service. Elle remarque un homme à l'allure assez étrange lui faisant des signes. Prise de panique, la jeune femme remonte dans sa voiture et continue son chemin. À plusieurs kilomètres de là, elle remarque à nouveau cet homme étrange la suivant. Toujours dans sa voiture, de plus en plus effrayée, cette dernière accélère afin de semer l'individu et de rentrer chez elle le plus rapidement possible. Arrivée chez elle, cette dernière appelle son mari pour lui dire qu'un individu bizarre la suivait. Juste à ce moment-là, une voiture s'arrête devant chez eux. C'est l'homme en question qui essaie depuis donc la station essence de la prévenir. Et en fait, il voulait tout simplement la prévenir qu'il y avait quelqu'un caché sur l'arrière de sa voiture. Un homme avec un couteau qui était caché derrière sur le derrière. Il est caché derrière derrière. Non, mais c'est drôle. J'ai peur, mais tu l'as mal raconté. Mais non, je l'ai bien. Mais va te faire foire. J'ai bien raconté. Va te faire foire. Parce que j'ai dit. Va te faire foire du trône. J'ai voulu dire foutre, mais après j'ai dit non, c'est Émilie quand même. Mais non, le mec, il y avait quelqu'un qui était sur la banquette arrière avec un couteau et au en lieu fait ouais, voilà, elle avait peur du mec en voiture qui la suivait et qui lui faisait des gros signes jusqu'à chez elle, c'était pour la alors prévenir. Que le mec il lui disait il y a quelqu'un à la station essence qui est monté qui s'est mis derrière avec un couteau quoi. Et qui va tuer. D'accord. Ça fait trop peur. Regarde comme je baille, c'est nul. Il est fatigué, regarde, il avait pioncé, regarde comme ouais. Je te fais un feu, comme c'est drôle. C'est drôle. Bon, allez, Corsica Show maintenant. Et Corsica Show avec la musique aussi, hein, d'exercice, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Allez, c'est parti. C'est Nodiremo. Le Corse est sur Goom Radio. Eh ouais, émission spéciale Corsica Show Halloween. Voilà. Halloween. Non, histoire mystique. Et d'ailleurs, on va prendre Jean-Claude qui nous appelle de Corse. Oh non, pas Jean-Claude. Très histoire mystique. Bonjour Jean-Claude. Allô Jean-Claude. Il fait trop bien l'homme invisible. Si tu mettais des yeux là. Jean-Claude, allô. Allô, bonjour. Oui. Salut Jean-Claude. Comment ça va Jean-Claude? Moi. Baba. Je suis mal. Oui. Bon, est-ce qu'il faut voir chez vous? Eh non. Nous, ça, on est en plein hiver. Dis-moi alors, Jean-Claude, tu vas nous parler un peu des histoires mystiques qui se passent en Corse, les matières. Une histoire fantastique. Enfin, une tout au moins, en tout cas, le personnage mythique le plus extraordinaire de notre imaginaire collectif. Il s'agit du matière. Alors, matière, qu'est-ce que le matière? Avec la racine amatsa qui veut dire tuer. Alors, il s'agit de quelqu'un comme vous et moi. Un simple mortel, en tout cas, simple d'apparence, qui, la nuit, se dédouble et il part à la chasse. Et généralement, il se place devant il s'embusque derrière un buisson, devant un torrent, près d'une mare, pour qu'il y ait de l'eau. L'eau symbolise en quelque sorte le fleuve des enfers. Le fleuve des enfers. Le bête passe. Ça peut être un animal domestique, un sanglier. Et l'animal paraît, eh bien, il le tue d'un coup de fusil, d'un trait d'arbalète, puisque le matière, il existe depuis temps immémoriaux. Mais oui. Et lorsqu'il s'approche de la bête, il découvre, il la retourne, et à la place de l'allure, puisque s'il s'agit d'un sanglier, eh bien, il découvre le visage d'un être humain, un homme, une femme qu'il connaît, et qui va mourir. Et il sait qu'il va mourir, et ce matière, ce noctambre, comme on l'appelle dans différentes régions, il ne veut pas tuer la personne. Il est simplement le messager du destin. C'est un peu l'homme, la mort, quoi. L'homme de la mort qui vient prévenir l'ange de la mort. C'est une sorte de psychopompe pour parler d'une façon, donc, un peu élevée, je dirais. Mais c'est surtout appelons-le, un conducteur d'âme. Un chasseur, c'est le chasseur de la nuit et celui qui aide les âmes des morts à traverser l'au-delà, pour arriver à l'au-delà. Quand il y a de l'eau, il se pose toujours près d'un point d'eau. Le fleuve des enfers. Hein. Notre île, c'est un creuset de civilisation. Nous avons subi de multiples invasions, de multiples occupations. Et donc, nous sommes un peu le creuset de différentes cultures. Et donc, c'est aussi le mythe de Caron qui se trouve à travers ce personnage. Ouais. Et en fait, ce que fait le matière, c'est un acte de divination. Il sait, à partir du moment où il a tué la bête, qui, au village... va mourir, oui. Va mourir. La personne n'est pas encore morte. Il se saisit uniquement de son double. Et ce double est animal, puisque, suivant nos croyances, l'homme et la femme corse possèdent son double, possèdent leur double sous la forme d'un comme animal. Comme dans Frère des Ours. À partir du moment où le matier a tué l'animal, donc il ne veut pas, je le répète, il ne veut pas sa mort. Il ne veut pas sa mort, mais il veut s'emparer de son corps. Il a traversé le fleuve. En quelque sorte, il le prend en charge. Et lui-même, d'ailleurs, peut, au coin d'un rêve, se retrouver face à sa propre mort en tuant l'animal qui le représente. Ah ouais, eh ben Jean-Claude, d'accord. C'est super. Bah écoutez, merci, écoutez, ça fait merci super pour cette intervention sur le matière. Je vous rappellerai de pour un prochain cocher cachot et on continuera un cocher cachot. Voilà. Jean-Claude, allez, bonne journée, merci beaucoup pour le matière. Bonne soirée, allez. On est en pleine nuit, le Corse. On ne sait pas quel jour on est, c'est dur. Tu sais que nous, dur. Chez les Juifs, on a des galettes qui s'appellent la matzot. La matzotte. Ouais. Mais c'était comme dans Frère des Ours, son histoire. Eh ouais, c'était presque similaire. C'est Frère des Sangliers, là. C'est ça, Frère des Sangliers. On a Toff, bonjour. Ouais, allô. Ouais, Toff, ça va? Ouais, ça va. C'est chiant ton truc, là, j'ai rien compris. De quoi? J'ai rien compris, là, qu'est-ce qu'il a raconté, là? C'est extraordinaire, quand c'est même. C'est une histoire. Mystique corse. Non, c'est le corse qui est extraordinaire, Toff, du rang en Atoff, quoi. C'est grandiose. Ah non, mais on est top. On est trop content de t'avoir. Tu veux bien ou pas? Attends, un gros bisou de Gwen. Et qui, Gwen? C'est une auditrice. Elle fait, c'est certainement une meuf qui veut ta bite. Elle t'aime énormément et tu lui manques. Et il y a Bernard qui veut ta bite aussi. Il t'embrasse, Toff. D'accord, bah, je lui défonce le cul. Donc, Toff, tu aurais une histoire mystique. Bah, écoute, j'ai pas une histoire. C'est tous les soirs à 22h50, il écoute Gourmand Radio et c'est le Corsica Show. Il a très peur. Voilà, je me demande parfois comment des gens autorisent la diffusion de cette chose. Faut aller voir un chevelu. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est mystique, la coupe de Fredo aussi. C'est ça, ouais. Juste rassurez-moi, c'est le Corsica Show, c'est pas rémunéré, vous faites ça pour passer le temps. Oui, bah oui, c'est pendant les 10 dernières minutes, on se casse, au moins on arrive plutôt chez parce nous. Là, mais je suis on laisse chez moi, là. Ah, d'accord. mais j'appelle. Non, c'était pour être sûr, parce que je me demandais, tous les soirs, j'écoute ce truc et je me demandais vraiment à quoi ça servait. Ah, bah, rien. Tu sais que t'es pas obligé d'écouter non plus. Non, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, donc. C'est pour faire remonter un peu la statistique, parce qu'il paraît que ça baisse un peu à ce niveau-là. Donc. Ah ouais, soit dit. Bah, enfin, tu n'es pas obligé d'appeler ni d'écouter. Bon, mais Toff, je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Oui. On a René, pour terminer. Hein, René. Je parais qu'il va t'enculer, mais avec un masque d'Halloween. Allez, voilà, c'est ça, avec un masque d'Halloween. Allô, René. Allô. Oui. Allez, t'as bien enculé, Toff. Il m'a bien. Il t'a bien enculé, Toff. Ouais, c'est qui, c'est ton pote? Il m'a dit que c'était de la grosse merde. Eh ouais. Oh, bon. Qu'est-ce que c'est nul. Sinon, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es pas fait enculer par un mort-vivant, toi, non, par hasard? Vous avez cru me faire peur? Dis-moi, tu t'es pas fait prendre par un mort-vivant, non, par derrière? C'est moi qui les encule tous. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement morts. Mais moi, je suis bien vivant. Et ma grosse bite, elle est bien vivante. Il y a la sorcière de Blair Witch, toi, qui a dû t'enfoncer son bâton dans le cul, hein. Ta gueule, le corps, parce que moi, je te baise, d'accord? Oui. Bon, dis-moi, fais-toi sodomiser un peu par la sorcière de Blair Witch. Et on se rappelle. Ok? Ah ouais, voilà. Ciao, René. Meurs, vas-y, meurs, René. Oh, on souhaite pas la mort des gens. Ciao, ciao. Allez, je pense qu'il faut pouvoir arrêter un moment ou un autre. Mais là, je et pense que c'est ce bien là. Ouais. Hein, ça me paraît plus. En plus espérant comme ça, qu'on va rentrer tous en vie chez nous, hein. Oui, ah bah c'est pas sûr. Hein. Ouais. Attention derrière toi. Je te rappelle que c'est elle la série culotte. C'est vrai, j'ai peur, Mickaël, je peux rentrer avec toi. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, pas là, non. Allez, passez une bonne nuit tout le monde, on se retrouve demain à partir de 20h évidemment. Et puis avec vos messages, vous pouvez les balancer bien sûr sur le Facebook jusqu'à demain. facebook.com/MIKL officiel. Bonne nuit tout le monde, ciao. Salut. Bonne nuit.